Bonjour et bienvenue à présent à une première discussion avec Christian que vous voyez à l'écran. Et oui, un nouvel invité aujourd'hui. Donc ici David au micro qui vous salue et bonsoir Christian, donc ça va bien? Bonsoir David, ça va très bien, oui. Excellent. Donc aujourd'hui, c'est sûr que je voulais discuter avec toi parce que pendant quand même plusieurs années, tu as fait des études en lien avec la conscience évolutionnaire, donc ce que certains appellent la conscience supramentale, donc depuis le début des années 80 d'ailleurs. Donc tu as assisté entre autres à des conférences de Bernard de Montréal. Effectivement, oui. Donc, Depuis 1981, en fait, OK. j'avais vu Bernard à l'émission de Richard Blaine. Dans les semaines qui ont suivi, je suis allé voir la première conférence publique en décembre 81. Après ça, je suis allé de manière très régulière pendant des années et des années. OK. Ouais. Et pour débuter un premier entretien comme ça ensemble, je trouvais bon aujourd'hui de discuter de ton cheminement personnel qui t'a amené à t'intéresser entre autres à la conscience supramentale. Ben, curieusement, pas curieusement, mais avant de connaître Bernard, j'avais lu Sri Aurobindo, OK. La vie divine de Sri Aurobindo. C'est les premiers contacts que j'ai eus avec la terminologie supramentale. Donc, quand Bernard est arrivé, il parlait de ça, ben, évidemment, ça a attiré mon attention. Ben, j'en avais déjà entendu parler, j'avais déjà lu là-dessus. Bernard apporte une façon complètement différente de présenter des choses que Sri Aurobindo. C'est évident, là. Puis aussi, c'était extrêmement étudiant de voir ce que personnage-là, que c'était vraiment un personnage. Donc, moi et mes amis avec qui j'étais, on était tous assez fascinés. On est allés très rapidement aux conférences. Puis, au début, on en faisait un show. Là. C'était comme on fumait un joint, on allait voir Bernard. Là. Ça remplaçait les chauves, on allait voir Bernard. Mais progressivement, la vie a fait son chemin. Puis, année après année, ben, l'instruction rentre. On finit par comprendre des choses, par lire des choses qu'on ne disait pas avant, puis à interpréter des choses qu'on vit d'une autre façon. Oui, Donc, exactement. En fait, je t'interromps aussi pour préciser aux gens qui nous écoutent que Sri Aurobindo, en Inde, c'est lui qui avait parlé en premier là, du concept de conscience supramentale, là, avec la notion de yoga intégral, entre autres. Mais la différence avec l'instruction de Bernard de Montréal, de ce que j'en comprends, c'est que Sri Aurobindo était plus là pour annoncer le supramental, donc il ne vivait pas ça comme Bernard de Montréal, là. Oui, alors Aurobindo présentait ça d'une manière philosophique, avec des caractéristiques de la pensée hindoue ou bouddhiste. Parce que Bernard de Montréal ne faisait pas de la philosophie, là. Il faisait de la psychologie, de la science de l'esprit. Donc, il n'y avait pas de concept philosophique, dans la parole de Bernard. Donc, c'est une grosse différence par rapport à Aurobindo, surtout aussi d'ailleurs. Ceux qui se réfèrent à Aurobindo souvent vont s'opposer à Bernard parce qu'ils ne retrouvent pas ce qu'ils ont trouvé chez Aurobindo. On est dans un autre domaine. C'est juste, on parle de supramental. Tous les deux en parlent, mais de façon complètement différente. Mais vraiment complètement différente. Oui, exactement. Mais c'est sûr que la vibration n'est pas pareille. Moi, je trouve chez Aurobindo une vibration un peu plus spirituelle qu'avec Bernard, là. Oui, absolument. Ouais. Ben, en fait, ceux avant Bernard, c'est tout spirituel, il n'y en a pas beaucoup qui. Il n'y en a pas qui avaient cette vibration-là. Bernard, c'est le premier. Hein. C'est le premier à l'avoir apporté. C'est pour ça que c'est si frappant, que c'est dérangeant, que ça change une chose. Et que si on réfléchit à des concepts de divinité, comme Sri Aurobindo l'a fait avec Bernard, même à la rigueur, on pouvait parler de n'importe quoi. Bernard avait pu parler de n'importe quoi. Sans parler d'ésotérisme, de conscience, la vibration avait été là, hein, et souvent il le fait. Puis, dans le fond, moi, ce que j'étais curieux de voir, c'est avant d'assister aux conférences de Bernard de Montréal, est-ce que tu avais vécu des expériences paranormales, voyage astral, sortie hors corps, télépathie, etc.? Oui, tu le dis, oui, effectivement, les voyages astraux, c'est quelque chose que j'expérimentais d'une manière assez fréquente, là, des réveils hors du corps, puis que tu te promènes dans la pièce, ça, j'ai vécu plusieurs fois. C'est à peu près tout ce que j'ai vécu en termes de paranormal, pas de télépathie ou quoi que ce soit, là. Mais j'avais déjà une sensibilité exacerbée. Là, je pouvais, en fait, on faisait exprès pour avec mes amis, avec mon frère, c'est un ami, on faisait exprès pour provoquer ces choses-là. Il suffisait de t'éveiller, tu te lèves, tu fais tes affaires, tu t'assises, tu te rendors. À ce moment-là, tu es dans un demi-sommeil, puis souvent, on se retrouvait à faire le voyage à ce En fait, c'est des voyages astraux, c'est une conscience extra-corporelle tout en dormant. Ça, je le fais assez souvent. Ouais. Donc, on pourrait parler à ce moment-là de rêves lucides. Écoute, quand tu dors, Oui? mais que ta conscience se promène dans la pièce, j'appelle tout ça du rêve. OK. Et tu dors, mais tu as une perception en même temps sensorielle ou extrasensorielle. Des choses autour de toi. Donc, c'est du rêve lucide, j'en ai fait, mais le rêve lucide, c'est dans un rêve. C'est dans Oh des oui, phénomènes de rêve. c'est. Oui, t'as raison. Dans le fond, c'est parce que je trouvais, j'essaie de la façon de définir ça, mais tu as raison, c'est pas tout à fait ça. C'est que dans le fond, t'es encore là. T'es pas dans un monde imaginaire. T'es en contact avec la réalité de la pièce. Ouais, c'est ça. OK. Mais les rêves lucides, j'en ai fait aussi, mais quand tu te réveilles dans C'est-à-dire que quand tu deviens lucide dans ton rêve, ben, souvent le rêve est fini. Tu t'aperçois que tu rêves, puis oh, tu t'aperçois que tu es conscient, mais que tu dors. Mais souvent, ça crée un émoi, ça crée une sorte d'anxiété, puis là, ben, tu reviens dans ton corps. Enfin, moi, c'est comme ça que je le disais. Chose que je ne fais plus OK. Ben moi, ce que je peux dire dans mon expérience, c'est que quand je suis conscient que je rêve, souvent, c'est justement là que je reviens dans mon corps assez rapidement, puis le rêve, il prend fin, là. Exactement, exactement. C'est la même chose pour moi, là. Donc, il n'y a pas d'évolution dans le rêve de manière éveillée. Je sais qu'il y a des techniques pour faire ça. Il y en a qui font cette expérience-là. Tu vis ton rêve, tu continues d'être éveillé. Mais moi, je me réveille dans mon rêve, je me réveille dans mon corps après. OK. En fait, ça crée une sorte d'anxiété, une panique. Je me réveille après. Et comme je te dis, il y a longtemps que je fais ça. Non, mais c'est bien correct. Sinon, en fait, pour ce qui est de Bernard de Montréal, parce que vois-tu, moi, je suis né en 1981, donc c'est ma 40e année de vie sur Terre. Et oui, puis toi, tu mentionnais tantôt qu'en 1981, qui est l'année de ma naissance, que tu avais pris contact là, avec Bernard de Montréal, là, que tu avais, dans le fond, de ce que je comprenais, c'est que tu avais vu le Richard Glenn là, à l'émission. Oui, mais Richard Glenn, écoute, je pensais au travail que tu fais, toi, en ce moment, puis Richard Glenn faisait un peu quelque chose comme ça. Hein. Et là, il va chercher des gens, il présente des gens. Puis Richard Glenn présentait beaucoup de monde dans ce temps-là. Lui, son intérêt, c'est surtout les extraterrestres. Mais il a quand même apporté le Bernard à Montréal. Par hasard, là, quand on est tombé, je suis tombé sur cette émission-là. J'ai vu Bernard. Puis tout c'est évident que j'allais voir, j'allais explorer ça. J'ai Ça. dans ce il faisait une conférence par mois qui était dans le cégep Maisonneuve. Donc, on assistait à ça et puis c'était particulier. C'était bon. Il s'appuyait beaucoup avec Richard. Et Richard avait sa façon très. Richard, lui, était fort sur l'ésotérisme et sur les extraterrestres. Il essayait toujours de ramener Bernard là-dedans. Bernard, lui, un jour, Bernard, il s'est dit, je suis écœuré de parler de l'extraterrestre, il est parti. Il est allé s'asseoir sur la scène, puis là, Richard Glenn était là, il ne savait plus quoi faire. C'était pas écœuré de parler d'ésotérisme. Non, mais ben, lui, il insistait, là. Bernard, il ne voulait plus, là. Il voulait parler d'autre chose. Mais c'est intéressant parce Sérieux. que, dans le fond, c'est ça, Bernard, il voulait pas être confiné là, à un seul sujet, là. Tu sais, je veux tout le temps être amené à parler des extraterrestres. Tu sais, lui, il parlait plein de sujets. Il y avait des conférences sur la sexualité, il y en a qui touchaient même à la politique, à toutes sortes de sujets, là. Je pense qu'il donnait aussi une espèce de choc par rapport à des intérêts qui peuvent être extrêmement lointains, mais qui ne changent pas ta vie, là. Quand même, que tu t'intéresses aux différents niveaux de conscience, aux archanges, aux hiérarchies, puis aux extraterrestres. C'est excitant pour le mental, c'est excitant pour l'intellect. Ça change quoi ta vie? Au contraire, même, ça peut t'éloigner de ta propre vie, parce que tu as à faire dans ta vie maintenant, d'une manière intelligente. Non, Pense un peu. exactement. C'est sûr que ça peut être une source de diversion de s'intéresser aux extraterrestres, parce que c'est pas eux autres qui vont travailler à notre place ou s'occuper de la famille ou des enfants, là, tu sais, c'est... Ouais. Mais regarde, juste toi, là, Oui. je te l'ai fait approcher. Je t'ai écrit sur YouTube, tu sais. C'est-à-dire que les gens te reprochaient de parler d'autre chose que de conscience. Oui, mais la conscience, ça sert à quoi sinon? Tu sais? La conscience, ça sert à faire ta vie, à évoluer dans ta vie, à améliorer ta vie, pas Exact. à juste tourner en rond dans les concepts de la conscience, puis finalement, t'amènes nulle part. C'est des loups, ça. Tourne en rond longtemps, hein? Ben, c'est sûr. C'est sûr qu'on peut vivre ce que j'appelle une conscience réflexive ou intellectualisée de certains concepts supramentaux, où est-ce qu'on peut parler à l'infini de l'esprit, de l'âme, puis des plans, mais c'est sûr que la question de l'intégration au quotidien, puis notamment dans la dimension politique de l'existence, la minute qu'on parle de politique, il y a des gens qui n'aiment pas ça, là. Non, mais je me souviens de. Je sais pas si je l'avais écrit, ça, mais je me souviens que Bernard, à un certain moment, il travaillait beaucoup pour un projet qui s'appelait Roche Sauvage. Il s'agissait d'implanter des sortes de resorts à Haïti. Hein. Oui. Et puis, il parlait beaucoup de finances. Puis, pendant le break de la conférence, cette conférence privée, pendant le break de la conférence, il y a des gens qui étaient allés lui reprocher ça. On veut que tu parles de conscience et d'ésotérisme. Parle-nous pas de finances, d'argent et de business. Puis, quand Bernard était revenu à la deuxième partie, là, je te dis, il hurlait, là. Il hurlait. Il voyait ça comme de la pure spiritualité. Ça allait à l'encontre de sa propre instruction, là. Les gens voulaient ça. Voulaient ça. C'était l'époque, Non, c'est c'était. sûr. Il y en a qui voulaient vibrer de la conscience, mais totalement désincarné, sans aucune application concrète, là. Ouais, mais ça, je les comprends, là. Je fais la même affaire, là. Je les comprends, mais à certains moments, tu les passes aux réalités. Puis là, ben, c'est là que ta conscience, il faut que tu la tues. Puis, c'est pas évident, hein. Pas si simple que ça. Non, C'est exactement. des grandes situations, particulièrement maintenant. Oui, exactement. C'est là pour que ça serve, là. Oui, ben c'est sûr. C'est sûr que dans le fond, avant d'aborder la crise planétaire, c'est sûr que je veux mentionner aux gens qui nous écoutent que dans le fond, il y a une partie de l'enregistrement qui va probablement être disponible donc sur YouTube. Et pour aller plus loin, donc la version longue durée de l'enregistrement d'aujourd'hui, vous allez la retrouver sur Odyssey, qui est un espace qui est très propice à la liberté d'expression, davantage là, que certains médias de masse, là, naturellement, ou même plateformes web aujourd'hui. Et puis, il fallait pas que j'oublie de mentionner aux gens qui nous écoutent, qui aimeraient éventuellement entrer en contact avec toi, qu'on va leur partager là, ton adresse courriel là, en bas de l'enregistrement présent. Donc, ça peut être intéressant aussi de la mentionner là, dans le cadre de l'enregistrement. C'est quoi ton adresse courriel? Je suis intéressé à discuter avec des gens qui sont intéressés à m'écrire. Ça pourrait faire des contacts qui peuvent être plus utiles. On verra. Mais pour en revenir au cheminement personnel, Non, je mais disais que je voulais t'amener à... Excuse-moi, on va pouvoir continuer, là, mais Oh. je voulais t'amener à nommer ton adresse courriel dans le volet audio de l'enregistrement aujourd'hui. Oui, alors c'est KRISSUS 9 en commercial yahoo.com. OK, donc si j'ai bien compris, c'est KRISSUS. Commercial yahoo.com. Exact, exact. Parfait, j'ai répété parce que de mon côté, l'audio est peut-être un petit peu plus audible. Il y a moins de feedback. Fait qu'à ce moment-là, ben, les gens pourront l'entendre comme il faut. Fait que sinon, je te laisse continuer avec ton cheminement personnel, là, naturellement, là. À l'époque, Bernard faisait des séminaires. Dès le début des années 80, il faisait des séminaires. Ces séminaires étaient à l'époque extrêmement, disons que c'était extrêmement intense. Et puis, il y a des gens une personne que je connais qui l'avait fait, ça l'avait trop perturbé. Alors, je suis pas allé dans les séminaires dès le début. J'étais dans un processus personnel de thérapie à l'époque. On faisait la thérapie primaire, c'était la mode à l'époque. Je me suis concentré là-dessus. Puis Bernard, c'était des conférences, mais je voulais pas aller au séminaire. Finalement, après un certain temps, en 86, là, j'ai fait le séminaire avec Bernard. Puis là, mais là, ça change complètement parce que entre les conférences que je faisais avec Glenn, qui était grand public, il y a un niveau très aisé au niveau vibratoire. Puis les séminaires, les conférences privées, les mini-séminaires, les journées intensives, là, là on parle de complètement autre chose, là, c'est comme très, très, c'était très, très, très intense. Je sortais de là complètement différent, c'était bouleversant, mais dans un bon sens, tu sortais pas malade, tu sortais plus toi-même, mais c'était quelque chose. Ça, j'ai fait ça longtemps, là. Bernard, il a vécu jusqu'en 2003. J'ai dû assister aux conférences privées. J'ai dû arrêter vers 99, à peu près, à ce moment-là. OK, Les fait. dernières années, je ne suis pas allé le voir. OK, fait que quand même Parallèlement beaucoup à ça, quand il y même. avait aussi Daniel Ken, Oui. qui était actif à l'époque. Tu connais Daniel Ken? Oui, qui a donné également des conférences dans le domaine de la conscience supramentale au Québec, là. C'est sûr que sur YouTube, vous en avez au-dessus d'une centaine d'enregistrements que vous pouvez écouter. Oui, effectivement. Bon, Daniel Kemp procédait un peu de la même façon. Conférence publique, séminaire, conférence privée. Alors, j'avais aussi fait le séminaire de Daniel Kemp. Avec le recul, j'ai pas beaucoup de. Je voudrais pas dire que j'ai pas d'estime, non, mais. Ces conférences me touchent absolument. C'est comme ça me regarde pas du tout. Hein. Par contre, Kant y a apporté beaucoup d'outils, des outils très concrets. Il y avait un programme qui s'appelait le programme Maître Contrôleur, okay, en plusieurs volets. Puis, dans les programmes, il apportait des outils, des manières de respirer, des manières de bouger, des manières de se concentrer. Quelque chose de vraiment très terre à terre et concret. Ça, c'est appréciable. J'en fais encore. Il y a des choses que je fais encore de ce que j'ai appris en 91, 90, je ne me souviens pas. OK, puis Donc, c'est justement, plus à la terre. OK. Puis justement, par rapport à Daniel Kemp avec le programme PCM, est-ce que tu as conservé, est-ce des exercices de respiration, c'est quoi? Ouais, ben, écoute, le premier volume, c'est des choses de base. OK. Les exercices, par exemple, de respiration, j'appelle ça du rescon. C'était simplement, si je me souviens bien, tu inspires, tu te bases sur le battement du cœur, tu inspires quatre battements, tu gardes quatre battements, tu expires quatre battements, tu gardes sans respirer quatre battements. Donc, de cette façon-là. Il y avait la technique Menfi. Il s'agit de faire des mouvements d'une extrême lenteur et puis de concentrer toute ton attention et ton énergie mentale, maintenant, dans le mouvement que tu fais. Il y avait de l'isométrie cérébrale, ça c'était assez fascinant, hein, où à l'aide d'écouteurs, tu avais un enregistrement avec des sons qui passent, qui étaient soit à gauche, soit à droite. Et je me souviens plus comment on procédait, mais il fallait attirer son attention. Ça avait vraiment ça permettait vraiment de focusser, C'est senti ton esprit, c'est très, très, très bien. Et c'est surtout le magnifique que je pratique encore, les mouvements très lents, en sentant aussi l'énergie du corps. Ça, c'était des choses comme ça que j'aimais de Daniel Pierre. C'était très, très concret. Genre, même maintenant, 30 ans plus tard, je le fais encore. Certaines choses. OK, parce que les mouvements lents pour sentir l'énergie, ça me fait penser à ce moment-là un petit peu à du tai chi ou du qigong, là. Ouais, mais le qigong, j'en fais un peu du qigong, mais c'est quand même le tai chi, c'est quand même des mouvements qui sont lents, qui peuvent être plus rapides, mais là, on ne parle pas de la même chose. Par exemple, le menti, tu bouges ta main, Oui. ça peut prendre 10 minutes à descendre ta main. OK. Donc, ça demande un contrôle vraiment très fort de ce que tu fais, là. 10 minutes à bouger ta main, et puis, ou même, là, tu peux pas me voir parce que si j'étais étendu, puis mes bras sont le long de mon corps, Oui. lève ton bras, mais sans lever. Donc, tu fais toute l'énergie pour lever ton bras, très lentement, et ton bras bouge pas. Donc, tu deviens très incarné, finalement, mais en même temps très mental, c'est très bénéfique. C'était très bénéfique. Malheureusement, j'ai juste fait le premier, parce que, bon, les circonstances n'ont pas permis que je continue. Mais j'ai gardé le cours et c'est bon, c'était très bon. OK. Puis, dans le fond, en plus de Daniel Kemp, puis Bernard de Montréal, est-ce qu'il y a d'autres conférenciers aussi que tu as été voir? Dans la même branche, il y avait Daniel Ménard. Oui. Ménard faisait aussi des journées, un peu comme des mini-séminaires de journée sur des sujets. J'ai assisté à ça, j'ai suivi Ménard, je suis allé à beaucoup de conférences. Mais ça, plus tard, plus dans les après la mort de Bernard, comme à partir de 2005, assez proche de Ménard, en privé ou en consultant ou en conférence. J'ai écouté beaucoup Daniel Ménard, j'aimais beaucoup. Soit par rapport à Bernard, Daniel Ménard, c'était l'application concrète, développement concret. Pas de concept, il en parlait, mais c'était pour t'amener dans le terrain des vaches à justement appliquer qu'on soit ou l'institution qu'on peut avoir dessus. C'est Bernard, il parle de concept très élevé, hein, mais il faut l'appliquer dans la vie. Mais non, c'est un applicateur. Oui, exactement. Parallèlement à ça, donc, il y avait d'autres conférenciers, André Moreau, que j'ai suivi beaucoup, là, mais beaucoup, là. D'ailleurs, il est connu de la même année, Bernard Moreau, en 82, tous les deux, j'ai commencé à les suivre. Moreau, je l'ai beaucoup lu, j'ai assisté à beaucoup de conférences. Dans les années 80, après ça, j'ai arrêté de lire. Mais OK, j'ai est-ce que beaucoup apprécié André Moreau, je l'aime encore beaucoup. Mais c'est complètement autre chose. Oui, ça c'est clair. Là, moi aussi, j'apprécie beaucoup André Moreau parce que je pense que c'est quand même un conférencier québécois mémorable, là, un peu comme Bernard de Montréal, là, mais ils ont chacun leur vibration et leur créneau, Oui. là. Je l'ai lu beaucoup, j'ai écrit beaucoup. J'aime quand je le lis, OK. mais je ne retiens rien. Je ne peux pas appliquer ça. Je ne vois pas que je peux appliquer ça. Mais quand je le lis, c'est clair, c'est bon, c'est très bien. Mais excuse-moi juste pour Je le lis. clarifier, tu parles d'André Moreau ou de Bernard, là? Je parle d'André Moreau. OK, c'est beau. Ben, je pourrais dire la même affaire de Bernard. OK. Bernard, j'ai assisté à une conférence. Après la conférence, on ne se souvenait plus de quoi il avait parlé, là. Mais la vibration était là. Et on était élevé au niveau vibratoire. Avec André Moreau, c'est de la philosophie. C'est la thèse de la philosophie. Donc, c'est des concepts, c'est du mental. C'est pas la vibration telle qu'on peut l'expérimenter avec l'instruction que Bernard a apportée. C'est pas la même chose. Non, c'est sûr. C'est sûr que Bernard, moi, ce que je trouvais, c'est que il y a une dimension très impersonnelle, là. Tu sais, quand il parle puis canalise l'esprit, entre autres dans les conférences réservées aux séminaristes, là. Ouais. Fait qu'il y a cette dimension-là. André Moreau, ben, tu sais, il va raconter qu'est-ce qu'il vit dans sa vie, puis tu sais, il va faire des liens avec des concepts philosophiques. Oui, effectivement, là, il s'expose beaucoup. Au contraire de Bernard, il s'expose très peu. Là. Ça aurait été plus libre. André Moreau, c'est plutôt le contraire. Non, exactement. Fait que c'est une autre approche. Fait que c'est sûr que moi, ces deux conférences en particulier, là, je les apprécie beaucoup. Et puis, sinon, il y avait d'autres conférenciers aussi qu'au fil des ans là, que tu as trouvé mémorables. Non. Il n'y a pas d'autres conférenciers que j'ai suivis. C'est Bernard, André Moreau, Daniel Kemp, à un moindre degré, puis Daniel Ménard. En termes de conférenciers au Québec, c'est ce qui m'intéresse. Par contre, j'ai énormément étudié les œuvres de Rudolf Steiner. Je peux dire que depuis 30 ans, j'ai toujours beaucoup, beaucoup étudié ça. Donc, ça fait partie de ma vision de la vie jusqu'à un certain point. Ma façon d'expérimenter la vie, d'expérimenter mon corps, mon esprit, c'est très coloré, je pourrais dire, par la pensée de Rudolf Steiner, puis l'anthropologie, c'était la pensée qu'il véhiculait, la science de l'esprit. D'ailleurs, Rudolf Steiner, c'est à peu près un des seuls penseurs avec Krishnamurti, que Bernard a acquis, je pourrais dire. Il appelait Rudolf Steiner, il disait tout le temps le grand Rudolf Steiner. Tandis que tous les autres philosophes, ils n'avaient pas de mots pour les décrire, mais Steiner, il l'appréciait. C'est vrai, c'est assez grandiose comme œuvre. Ça reste de la science de l'occulte, de l'ésotérisme. Et aussi spirituel, quand même spirituel, Ben mais c'est grave, c'est très très bon, c'est très bon. Oui, Je pourrais exact. dire que Oui. pour finaliser ça, là, que depuis que je m'intéresse à ça, finalement 4 décennies, là, Bernard de Montréal, André Moreau, Rudolf Steiner, j'ai toujours comme surfé sur les trois pendant des années et des années, étudier les trois en même temps. Ben, c'est drôle parce que je suis, dans le fond, moi, ça fait plusieurs années que j'écoute Bernard de Montréal, puis André Moreau en particulier. Rudolf Steiner, je me sentais moins proche, là. C'est sûr que lui, bon, tu sais, c'est pas. Il est pas contemporain de l'époque actuelle non plus, là. Fait que ça aussi, mais. Non, il n'y a pas d'enregistrement non plus. On peut que lire ses livres. Oui. Puis c'est pas c'est un peu plate. C'est drôle à dire, mais quand t'es nouveau, tu commences à lire ça, c'est comme pas excitant. C'est difficile de connecter là-dessus. Mais moi, je vois ça comme moi, j'ai connecté là-dessus, puis je comprenais ce qu'il disait, là, c'est comme il y a quelque chose de karmique là-dedans. Là. J'ai expérimenté quelque chose proche de ça dans un autre vie pour le comprendre, que je le comprends vibratoirement, pas juste intellectuellement, mais je suis capable de vivre, de canaliser des expériences, on pourrait dire akashiques, qui viennent de se comparer à ce que lui a parlé. J'ai tellement lu que je canalise ça maintenant. Mais je sais que ça reste de la spiritualité. C'est pas la vibration, mais c'est super intelligent. Non, non, C'est mais pour moi c'est. très Mais c'est bien correct parce qu'il y a intéressant. eu plein de figures marquantes dans l'histoire, là. À un moment donné, je me suis intéressé un petit peu à Gurdjieff parce qu'André Moreau, il fait souvent Ouais. allusion. Ouais. Il y a des concepts là, quand même intéressants là, qui ont été amenés par lui. Il y a eu d'autres aussi penseurs ou des philosophes comme Nietzsche. Puis c'est sûr qu'ils ont amené différentes choses à différents niveaux, là. Mais c'est sûr que dans le domaine de la conscience, moi, celui qui m'a beaucoup marqué au Québec, là, ouais, ben, il y en a plus. C'est sûr qu'il y a beaucoup André Moreau puis Bernard pour des raisons différentes, là, mais moi aussi, un peu comme toi, je gravite pas mal dans les mêmes eaux, là. Oui. C'est ça. Mais aujourd'hui, il y en a quand même, il y a plusieurs personnes qui vont manifester. Il y a eu Marc Lassalle, Marc Lassalle, Oui. Donc, moi, personnellement, je ne connais pas. J'ai vu qu'il y avait d'autres personnes qui parlent selon Sylvie Bergeron. Sylvie Bergeron. Oui. Je ne l'ai jamais vu en conférence, mais j'ai écouté quelques enregistrements d'elle. J'ai lu un livre d'elle. Il y a comme des figures qui commencent à émerger ici et là. C'est intéressant. Oui, mais pour ce qui est de Marc de la Salle en particulier, ce que je peux te dire, c'est que dans le fond, pendant 2011 à 2020, donc à peu près 9 ans, je l'ai interviewé sporadiquement, là, donc une fois de temps en temps. Fait qu'il y a de nombreuses vidéos d'entrevues que j'ai faites avec lui que tu peux retrouver sur ma chaîne YouTube. Là, t'sais, quelqu'un, puis c'est la même chose pour les gens qui nous écoutent, là, qui aimeraient le découvrir. Marc de la Salle, j'ai fait plein d'entrevues avec lui au fil des ans. Il y avait quand même une vibration particulière, là. Puis ce que je te dirais, c'est que pour l'avoir rencontré dans sa vie privée, versus quand que je faisais l'enregistrement en public, le discours, l'attitude était exactement pareil, là. La vibration était pareille. Fait que. Je le connais pas. J'ai écouté une minute, j'ai pas embarqué, je l'ai pas écouté. Je sais pas pourquoi, là. J'y viendrai peut-être à un certain moment. Je sais que tu as fait beaucoup d'enregistrements avec lui. Je l'ai pas, C'est correct, on a chacun nos besoins, puis il y a des gens qui vont connecter très fort avec des gens que je connais pas et vice-versa. Puis c'est correct, on a chacun, on va chercher chacun ce qu'on a besoin sur le plan individuel par rapport aux enregistrements, puis c'est normal. C'est bien correct. Fait que sinon, en fait, oui. Non, c'est quoi? OK, c'est beau. En fait, je voulais t'amener par rapport à ton vécu en lien avec la conscience, parce que en parallèle à ces différentes conférences que tu as été là, des années 80 au fil de plusieurs années et décennies, est-ce que, dans le fond, par exemple, d'aller aux conférences de Bernard, ça t'a amené à vivre des expériences particulières là, en dehors des conférences? Progressivement, il y a un cheminement qui se fait, puis un changement qui se fait au niveau de la conscience. Il y a une épuration de l'ego qui se fait, des intérêts qui tombent, une initiation, une lente initiation progressive, où l'ego est transformé progressivement, que les choses changent, puis que tranquillement le vrai je commence à émerger, puis à diriger un peu plus la vie qu'avant, au lieu d'être une feuille ballottée par le vent. Je commence à être plus centré, puis être capable d'être plus au règne de ma vie, puis plus en mesure d'affirmer ma propre volonté. Puis de développer, mais c'est long, c'est très long. Moi, quand j'ai fait mon séminaire en 86, je pensais que l'année suivante, je serais fusionné, là. Je n'étais pas le seul à penser ça, non. On était pour tout fusionner dans les 2 ou 3 ans. C'est pas arrivé, hein. Puis tant mieux, hein. Je ne tiens pas du tout à fusionner, là. Ben, c'est sûr que dans le fond, il y a des, comment dire, ben, c'est sûr, on peut en revenir aussi au niveau du séminaire, parce que tu me disais que c'était très différent là, des conférences. Fait que là, moi, j'étais un petit peu curieux de savoir, là, est-ce que par rapport au séminaire, tu sentais que plus interpellé par la vibration ou il s'adressait plus à toi de manière personnalisée qu'à un groupe en conférence ou Oh, il arrivait tout dépendant de toi, de moi, si on posait des questions, puis que la question l'intéressait, même si c'était personnel, il pouvait rentrer dans ta vie, t'amener à voir des choses. Il l'a fait pour moi, parce que j'avais des questions sur mon orientation de carrière, à un certain moment, j'en ai eu pour une demi-heure. C'est un cadeau, c'est rare que ça arrive. Mais c'est pas fréquent qui s'adressait aux individus en fonction à la personnalité des individus. Bernard, dans les intensives ou les conférences, juste les intensives. Une conférence privée, là, aux grandes années de Bernard, c'était 300 personnes. 200, 300 personnes. Tandis qu'une intensive, qui durait toute la journée, là, de 1 heure l'après-midi jusqu'à minuit le soir, on était 30, 40, dans une petite salle. Et Bernard commençait à parler tranquillement. Puis là, la vibration montait, ça montait. Puis, tu sais, Bernard, quand il criait, là, c'est Hitler, hein? L'énergie sort, puis la voix, c'était fort. La vibration, c'était intense. C'était très, très, très, très intense. Oui, ben Et ça se quoique dans produit. des conférences, dans le fond, comme la psychologie évolutionnaire, il y a des moments qui se fâchaient puis ils se mettaient à gueuler dans le micro aussi, là, tu sais. Oui, ben, il y a deux types d'enregistrement. Il y a les cassettes pour les séminaristes, Oui. qui à l'époque étaient juste vendues aux séminaristes. Puis il y a les conférences qu'il a faites publiques à la fin. Puis ça, c'était comme les conférences privées qu'on avait avec Bernard dans le temps. Il n'y avait pas de ça. À la OK. fin, là, c'était la même chose. Les intensives, ben, c'était comme ça. OK. Mais très, très, très intense. Des fois, là, ça avait l'impression que l'énergie avait tellement monté que t'es entouré de... Il y avait des entités qui venaient nous observer, qui venaient observer ça. C'était un show, vraiment particulier. Oui, J'ai jamais vu ben, ça. tu vois, j'ai pas assisté à aucune de conférence de Bernard, mais quand j'écoute ça, ben, c'est sûr que je sens la vibration qui passe, entre autres celle de psychologie évolutionnaire, puis des fois, on le voyait monter en intensité, puis se mettait à gueuler, puis utiliser des jurons, puis des sacs, puis ça fessait, là, en bon québécois, là, ouais. Bernard, une fois, il était dans cette énergie-là, très forte, puis il y avait la porte. Tu sais, Bernard était très privé, hein. Dès que quelqu'un qui travaillait à l'hôtel entrait pour changer l'eau, il arrêtait de parler. Il attendait que la personne sorte. Là, la porte était un petit peu ouverte. Là, il parlait, il parle, puis il a poussé un coup de pied sur la porte. La porte s'est fermée de peine. Tout de suite après, il y a quelqu'un qui a ouvert la porte, il s'en allait ouvrir. Okay? Maintenant, il dit, ça, c'est du timing. C'était quelque chose. J'ai jamais vécu ça. Oh, j'ai jamais revécu ça. C'était intense. Mais comme tu dis, dans les enregistrements, tu perçois ça. Il y a des conférences comme tu dis où la vibration monte. C'est pas juste parce que tu parlais fort, là, mais des fois, les concepts étaient tellement élevé, tellement haut, là. Ne peux pas parler de ça, là. C'était tellement élevé comme au niveau ésotérique, hein, parce que des fois, c'était juste psychologie ésotérique. Tu prends ça comme un Niagara. La vibration rentre comme un Niagara. Et tu le reçois, il n'y a pas ça, ben, c'est ton bout de chemin dans ta vie avec ça, là. C'était Ouais. quand on portait des conférences de Bernard, on était sous sa vibration à lui. Oui, c'était notre vibration. C'était sa vibration pendant plusieurs jours. Après ça, sa vibration à toi revient progressivement. Tu redeviens niaiseux. Mais pendant 4 jours, c'est pas la même personne. Ben, il y a des séminaristes qui m'ont dit que, dans le fond, lorsqu'ils allaient aux conférences de Bernard, ils sentaient que leur mental était vide, puis ils restaient avec une espèce d'état mental vide, comme si momentanément, durant le temps de la conférence, délogeaient les entités astrales qui pouvaient s'y loger. Exactement ça. C'est exactement ça. En fait, quand Bernard commençait à parler, moi, ce que je ressentais, c'est que tout en moi s'opposait à ce qu'il disait. Mon ego, toutes les pensées cherchaient à s'opposer à ce qu'il disait. Tranquillement, c'est comme s'il y avait des lambeaux d'entité, hein, qui étaient enlevés, qui étaient enlevés, qui étaient enlevés. Finalement, mais sentait parfaitement bien, l'énergie rentrait. Mais après ça, aucun souvenir de ce qu'il avait dit. Ah oui, il a parlé de ça. Ouais. Non, je m'en souviens pas. Fait que finalement, j'ai tout le temps dit, Bernard, il aurait pu parler n'importe quoi. Il aurait pu parler de plomberie. Il aurait amené une vibration là-dessus. La vibration, il y a des gens qui assistaient à ça, prenaient des notes, notaient tous les concepts. Moi, j'ai jamais été comme ça. Je me foutais de ce dont tu parlais dans le fond. Moi, j'aurais aimé qu'il parle de politique. T'sais. Il n'en parlait pas souvent. T'sais. Mais il parlait de choses psychologiques très pointues. Puis, en soi, ça m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, c'était la vibration. La vibration, ça, c'était là, de manière très importante. Ouais. Ménard, Daniel Ménard, J'étais en entrevue avec lui souvent dans les conférences. Bernard disait, Ménard, pose-moi une question. Le Ménard posait une question. Là, ça, il pouvait aller dans des subtilités psychologiques. Intellectuellement, ça n'avait pas d'allure. C'était too much. Mais la vibration était là. Moi, c'est ça que j'allais chercher, là. La vibration. Puis c'est maintenant, moi, c'est ça que je vis, là. C'est la vibration, là. Les concepts de Bernard, j'ai beaucoup de difficultés à me référer à ça, à eux, mais la vibration, oui, je la comprends comme ça. Oui, Je mais fais pas de philosophie. non, mais c'est bien parfait. Fait que c'est sûr que c'est quand même particulier de comme Bernard à un moment donné, il disait je comprends pas ce que je dis, tu sais, sur le plan intellectuel, là. Fait que tu sais, c'est particulier de parler puis de vibrer quelque chose sans en avoir la compréhension avec le mental, comme on dit, là. Ouais, il faut qu'il soit, il était complètement détaché de ce qu'il disait, là. Ben, il savait que c'était pas lui qui parlait, c'était pas lui qui pensait, donc ça sortait, puis c'était large. Exactement, mais sinon d'être exposé à cette vibration-là, est-ce que ça t'a activé au niveau intérieur pour t'amener à parler vibratoirement ou à écrire? Moi, je suis assez ermite, okay? Donc j'ai peu de contacts, j'ai peu de discussions à ce niveau-là, sauf avec des personnes que toi et moi on connaît. Mais quand c'est nécessaire, que c'est vital, la parole va avoir lieu. Comme en ce moment, il y a des choses qui se passent, puis j'ai besoin, moi, de d'expliquer ce que je vois. Puis quand la vibration monte, ben, la parole est là, là. Les personnes sont obligées d'écouter. Parce que ce que je dis est intense, donc la parole va être ajustée à ce que je dis. À ce moment-là, oui. Sinon, Exact. par écrit, je vais essayer d'écrire. Je suis un bon écrivain, je crois, mais OK. je suis pas j'écris pas la genèse du réel, pas du tout. J'ai pas cette j'ai pas envie de faire, en fait. J'ai pas le goût d'écrire. J'ai essayé de faire de l'écriture automatique, des trucs comme ça, mais non. Ça me tente pas. Si j'ai besoin d'un interlocuteur, si quelqu'un m'écrivait, à ce moment-là, j'avais une réponse. Mais moi, de m'asseoir et d'écrire, ça m'intéresse pas. J'ai pas le goût. J'ai le goût de répondre à quelqu'un. À ce moment-là, oui. Sinon, écrire des livres, je le vois pas. Comme j'ai beaucoup d'estime pour le travail que tu fais, tu vas prendre le micro, tu vas parler pendant une demi-heure de temps. J'ai pas essayé, mais je vois pas que je peux faire quoi. Par contre, je peux discuter avec quelqu'un, et à ce moment-là, j'imagine que quand c'est nécessaire, la libération, la parole s'active. Il faut que ce soit nécessaire. Je peux pas faire d'études intellectuelles, philosophiques. Ça veut absolument pas, là. Je peux pas m'en aller Non, mais c'est là-dedans. bien correct. Sinon, en C'est comme fait, ça que oui. moi, je lis vibratoirement par rapport à ce que je reçois comme expérience dans la vie, OK? Si je reçois des expériences négatives, si j'ai des pensées, bon, mais c'est à ce moment-là que la libération à faire pour ajuster justement la pensée, couper la pensée ou rétablir ma volonté par rapport à un ego qui s'emballe. C'est dans le quotidien que je le vis beaucoup. Hein. C'est pas dans une instruction, dans une pensée élevée. C'est vraiment le terrain des vaches, comme on dit. C'est bien correct. Sinon, en fait, je voulais, dans le fond, profiter de l'occasion de cette première rencontre pour t'amener à commenter, entre autres, les événements sans précédent qu'on vit depuis le début de la crise, là, de la pandémie actuellement, là. Ben, la pandémie, façon de parler, là, c'est sûr que ça peut être même ce concept-là discutable. Donc, c'est ça, je voulais t'amener à commenter là, la crise sanitaire qu'on connaît là, depuis plusieurs mois, là. La pandémie, comme il y en a qui disent. Oui, exactement, là. Écoute, c'est une grosse initiation. Je pense que, écoute, je savais que ça viendrait, là. Ça fait 40 ans, je pensais que quelques mois, je sais qu'il y a quelque chose qui va arriver comme ça, parce qu'on nous l'a dit. Mais là, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Puis moi, ça me rejoint fort, là. Puis, moi, je veux garder ma liberté par rapport à cette présence du monde qui veulent instaurer. Comme toi, d'ailleurs. Hein. Et puis, faut avoir les reins solides. Faut avoir la tête claire. Puis, c'est justement, là, dans des événements comme ça, là, que le négatif rentre, puis faut être solide, là, puis couper là-dedans, puis, rester centré. C'est dans ces occasions-là que la libération est obligée de se manifester, là. Tu tombes ou tu tiens debout. Ce qui se passe, c'est très, très grave. C'est juste un début. Puis j'ai pas de vision de qu'est-ce que ça va être. J'écoute ce qui se dit. Ça paraît pas très beau, là. Excuse-moi, qu'est-ce que tu veux? Oui. On commence les troisièmes doses dans certains pays. Oui. Et bon, ben, si je suis ce que ça me dit, là, c'est que ça va causer beaucoup, beaucoup de dommages. Beaucoup de dommages. Quelque chose en moi veut pas ça, là, mais il y a quelque chose en moi qui semble vouloir me forcer à l'accepter, hein. Autrement dit, il y en a qui parlent d'hécatombe. Oui. Semble être ça, là. Ça semble s'en aller vers ça. Qu'est-ce que c'est, une perte? Okay, aujourd'hui, c'est le 1er septembre. 80 ans après le 1er septembre, ou le 1er juillet, c'est le 1er septembre 1941 que les nazis avaient commencé à interdire aux Juifs accès de certains endroits. 80 ans plus tard, tout à coup, on vit quelque chose comme ça. Et puis, pour la première fois de ma vie, tout à coup, j'ai pas le droit d'assister ou de faire des choses que tout le monde a le droit. Je suis pas le Ouais, seul, ben hein. c'est ça, c'est la même situation que je vis d'exclusion sociale, donc de ségrégation. Pour les gens qui nous écoutent en Europe, c'est parce qu'au Québec, présentement, le 1er septembre, c'est la date où le passeport vaccinal entre en fonction, ce qui fait que pour les lieux non essentiels, comme par exemple aller au cinéma, aller au restaurant ou aller dans un bar, c'est interdit pour la personne qui n'a pas le passeport, là. Ouais. Remarque, je m'en fous un peu pour moi, au restaurant, au cinéma, je m'en fous. Mais ça donne une idée d'où est-ce qu'ils veulent s'en aller, là. Bien, c'est ça, Et, c'est qu'on sent qu'il y a comme depuis plusieurs mois, il y a une escalade là, des mesures, là, t'sais, il y a eu le couvre-feu, il y a eu ensuite le port du masque obligatoire, le 2 mètres, la distanciation sociale, les confinements. Donc, il y a plusieurs étapes. Puis là, moi, j'ai l'impression que là, on entre dans une étape qui est quand même clé par rapport à l'installation d'une espèce de dictature technologique où chaque personne est scannée à chaque fois qu'il va rentrer dans un commerce. Là, on parle de commerce non essentiel. Mais moi, j'ai l'impression qu'on va vouloir généraliser ça à toutes, là. s'ils ont le temps de le faire, ouais. Ouais, c'est leur but, je crois, c'est leur but, c'est que tout le monde soit vacciné, que Oui. tout le monde soit chiffré, Oui. et c'est l'espèce de monde qu'ils veulent instaurer. Ça semble être leur but. Okay. Je suis pas sûr qu'ils vont avoir le temps de le faire. C'est très compris, hein. J'essaie de comprendre la situation mondiale. Qu'est-ce qu'ils veulent faire exactement? C'est quoi le plan? C'est sûr que je crois pas du tout à la réalité de la pandémie telle qu'on la présente, là. Mais pas du tout, là. Bon, il y a peut-être un virus, là, mais ça reste à discuter, même. Ça reste à discuter. Oui, Mais s'ils exactement. ont besoin de cette situation-là pour instaurer un plan qu'ils avaient déjà, d'ailleurs, ils s'en parlent depuis longtemps, ils n'arrêtent pas d'en parler. Il suffit d'ouvrir les yeux pour voir qu'ils donnent des signes partout, qu'ils en parlent partout. Mais les gens ne sont pas au courant de ça parce qu'ils, justement, ils n'ont pas les yeux ouverts, ils ne regardent pas à la bonne place. Mais le plan, il semble bien clair. En tout cas, la direction où ils veulent aller est claire. Comment ils vont y aller, je ne sais pas. Mais justement, selon toi, quel serait leur plan? Il se présente comme voulant simplement nous aider puis enrayer la pandémie. Bon, ça, on met ça de côté, c'est pas vrai. Il donne l'impression de vouloir créer des espèces de petites dictatures nationales un peu partout, mais particulièrement en Occident. On voit pas ça en Afrique, là. Non, c'est particulièrement en Occident. Ils instaurent progressivement des petites dictatures nationales un peu partout, avec l'imposition du vaccin, puis l'imposition des passes sanitaires, et puis les restrictions qui ont été établies depuis 18 mois, auxquelles les gens sont déjà habitués en passant. Donc, ils semblent vouloir aller vers ça, mais je comprends pas. Si leur but, c'est un gouvernement mondial, je comprends pas c'est quoi la prochaine étape de ça. Une fois que les pays ont instauré leur petite dictature, on invente un gouvernement mondial. Non, mais attends une Je minute. trouve que le plan est mort de rire. Mais moi, l'embranchement, je le vois quand même à travers, tu sais, la notion que pour voyager d'un pays à l'autre, ça va te prendre un passeport vaccinal pour prendre l'avion, pour prendre différents moyens de transport. Fait que l'idée que chaque personne va avoir être obligée d'avoir un passeport vaccinal. Le passeport vaccinal va devenir l'identité numérique. Ça va devenir un élément universel pour l'ensemble de la Terre. La façon que je vois que ça se dessine, c'est que comme le passeport standard, le passeport vaccinal va pouvoir être lu pour les gens des différents pays. Puis en lien avec ça, sur cette base-là d'informations liées au profit de la santé, bien là, ça ouvre la porte à tes informations bancaires, s'il y a des fraudes bancaires, etc. Fait que moi, je vois une espèce d'identité numérique pour chaque citoyen de la Terre qui pourrait être mise en relation avec des instances supranationales, comme par exemple l'organisme l'ONU, l'organisme des Nations Unies, là. Mais c'est pas un gouvernement mondial, ça encore. Si c'est leur intention. Puis on pense que c'est leur intention. Je vois pas comment ils peuvent y arriver là, dans cette direction-là. Oui, là, je comprends l'idée de contrôle des allées et venues des gens, puis le contrôle à la chinoise, du crédit social, tout ça. Oui. Mais je vois pas de gouvernement mondial là-dedans. Par contre, Oui. si le vaccin cause des effets qui sont dommageables, comme certains disent, et qu'il y a des gens qui en ont des effets secondaires de plus en plus évidents, puis qu'à un certain moment, ça peut plus se cacher. Puis on parle jusqu'à la mort. Hein. Ben là, les peuples ne seront pas tranquilles. Moi, si je suis un père de famille, que ma femme est décédée, puis que ma fille est paralysée, que je suis moindrement batailleur, moi je suis doux, là, mais il y en a qui ne le sont pas. Là. Mais en 50 000 au Québec, comme ça. Puis partout dans le monde. À ce moment-là, à qui va payer pour ça? Les peuples vont s'en prendre à leur gouvernement. Les gouvernements vont être considérés comme des fautifs, des responsables. Dans le fond, ils Oui, sont, là. exact. Même s'il y a quelqu'un au-dessus d'eux. Et puis les peuples vont se révolter contre leur gouvernement. Et ils vont vouloir remédier à ça. Mais comment? En élisant quelqu'un d'autre? Je crois pas, non. Je pense que les gens vont appeler à une sorte de... Regarde juste, là. Tu connais je me souviens plus du nom de l'Allemand qui fait qui est en train de faire un dossier judiciaire Rainer contre... Fulmich. C'est ça. Bon. OK. Lui, il fait son truc, hein. Il développe ça avec une centaine d'avocats. Et puis, il le présente, mettons, à la Cour d'Allemagne. Ça passe pas. Il est obligé d'amener ça plus haut. OK. Mettons qu'il y a un Nuremberg 2. Oui. OK. Qui va appliquer les sentences? Je pense qu'il y a des gens condamnés. Ça va être qui? Le pouvoir qui va permettre de condamner les gouvernements. Ça veut dire que juste sa démarche à lui demande une entité supranationale qui va écouter les nations, qui va condamner à différents niveaux ceux qui ont pris des décisions comme ça. Puis le peuple va vouloir ça. Ils vont vouloir. Le Pas gouvernement tous le mondial. vouloir, Ça, c'est intéressant, c'est qu'implicitement, à travers les effets secondaires, s'il y a des cas, etc., ben, c'est comme une espèce de prétexte qui va amener les gens à vivre de la souffrance puis à réclamer un gouvernement mondial qui va régir les gouvernements des États-nations qui auraient dérapé. exact. Autrement dit, c'est comme si quelque part, quelqu'un, dit au gouvernement, fait cette affaire-là, fais ça, là. Là, il le fait. Après ça, lui, il dénonce. Regarde, il a fait la mal. Puis on le condamne. Non, mais c'est ça qui est là, le gouvernement mondial, là, quelque part, eux autres, quelque part, qui sont cachés, là. OK, mais c'est Là, c'est le intéressant. peuple même qui va le demander. Alors, c'est très confus. C'est très tordu, là. Oui, mais c'est intéressant parce que ça pourrait être une espèce de, comme David Icke parle, problème-réaction-solution, c'est-à-dire que celui qui instigue le programme, le problème, en même temps, par exemple, la mauvaise gestion du gouvernement de crise sanitaire, c'est lui qui va proposer la solution qui est de mettre en place un gouvernement mondial, alors qu'à la base, c'est ce qu'il voulait déjà. Ben oui, c'est ça. Fait Parce qu'autrement que là, dit, oui. continue, continue. Fait qu'autrement dit, des instances comme par exemple, on a présentement les Bilderberg qui font des réunions cachées, là, tu sais, j'allais dire, ils s'en cachent pas, mais c'est des faits. Ensuite, il y a le Forum économique mondial avec Klaus Schwab qui parle de la quatrième révolution qui passerait à travers une société technologique. Puis bon, c'est des regroupements internationaux où il y a différents membres du gouvernement qui y vont, là. Tu sais, je pense au Bilderberg, il y a Dominique Anglade, là, qui est la chef de l'opposition officielle au Québec, là, du Parti libéral, qui est quand même pas rien, qui est fréquente. C'est marqué dans un article du Journal de Montréal. Je mettrai le lien en bas de l'enregistrement, là, pour pas que les gens disent « Ah, là, tu t'exagères » ou des trucs conspirationnistes. Non, c'est documenté, puis c'est dans des sources officielles. Fait que là, autrement dit, tu aurais des gens d'organismes comme ça qui œuvrent un peu dans l'ombre ou des réunions discrètes ou secrètes qui pourraient avoir intérêt à ce que les membres du gouvernement dérapent pour ensuite sortir publiquement comme étant les sauveurs acclamés par le peuple qui vont mettre de l'ordre là après la crise sanitaire. Ben oui, parce que là, en ce moment, si les gouvernements instaurent leurs espèces de petites dictatures, comme ils sont en train de le faire, ils n'ont pas le peuple avec eux. Ils n'ont pas tout le peuple avec eux, en tout cas. Exact. Tandis que de l'autre façon, ben, c'est le monde qui le demanderait. Alors, il y aurait un hécatombe d'un bord, puis un gouvernement mondial qui veut. Fait qu'ils réussiraient à réduire la population mondiale. Fait que ça serait comme un deux dans un pour eux. Ils seraient non seulement désirés puis acclamés comme les sauveurs, puis en plus, ils auraient réduit la population mondiale, qui est un des aspects de l'agenda mondialiste. Ouais. Un 2 pour 1. Deux pour un. Donc, si vous voulez, au niveau de la population, mais, puis ils ont un gouvernement mondial. C'est pas sûr que c'est un bon gouvernement mondial, ça, là. Non, exactement. Parce que c'est sûr que là, je voulais t'amener sur l'aspect occulte derrière ces regroupements, parce que, bon, Bernard de Montréal, à travers l'instruction, parlait des adeptes de l'astral, donc des gens là, qui feraient des espèces de rituels sataniques, ou ben, que ce soit explicitement ou implicitement, là, qui seraient sous possession, là, sous contrôle d'entités astrales. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, tout à fait. Ils procèdent tout le temps comme ça, ces gens-là. Ils vont marquer les événements futurs, ils vont les inscrire dans le présent par des espèces de cérémonies, des allusions symboliques, des allusions numériques, numérologiques, ça veut dire. Regarde, il y avait un spectacle d'inauguration des Jeux Olympiques, pas les derniers, mais les autres avant, je crois. Et puis dans le spectacle, il y avait une espèce de chorégraphie, là. Puis là-dedans, tu avais un grand géant noir, comme la mort, là, la faucheuse. Puis tout autour, il y avait des lits d'hôpitaux qui tournaient, là. Les autres, ils font un spectacle avec ça. C'est comme s'ils essayaient ça pour ancrer leurs opérations futures. Mais c'est une forme de magie, ça. Je ne dis pas que c'est vrai. Je veux dire, je ne dis pas que ça marche. Mais il y a des gens qui pensent que ça marche. Ils fonctionnent comme ça. J'écoutais aujourd'hui un vidéo par un astrologue qui disait que les décisions sanitaires, lui, il parlait pour la France, là, les décisions sanitaires avaient été prises, les grandes décisions avaient été prises à des dates précises où il y a des conjonctures astrales très particulières. Donc, ils choisissent même leur date pour annoncer une décision en fonction des astres. Ils croient à ça, en tout cas, eux croient à ça. Mais, puis ça, il y en a plein de ça, là. Il y a plein de... C'est comme s'ils ne peuvent pas s'empêcher de le dire, il faut qu'ils le disent. Ils le disent parce que, en le disant, c'est comme si pour eux, ça active l'astral, ça ancre leur projet, ça permet à leur projet de s'enraciner et d'avoir lieu. Mais sauf que nous, si tu es moindrement attentif, ben, tu peux repérer ça ici et là, ici. Il y a des indices qui apparaissent de leur manigance, Oui, des mais satellites. exactement. Mais c'est sûr que curieusement, si on pense à la pandémie, lors de l'automne 2019, comme par hasard, entre guillemets, il y avait une simulation de pandémie avec un coronavirus, avec Bill Gates, puis d'autres personnes du Forum économique mondial qui faisaient une simulation avant que la pandémie du COVID commence, là. Fait que c'est sûr que les gens vont dire, ben là, c'est du hasard, mais quand même, c'est particulier. C'est un drôle de hasard, là, 2 mois avant. Oui, disons, exactement, là. Ils ne s'en cachent pas non plus, là. Ils l'ont dit qu'ils faisaient ça. Ils s'en cachent pas. Ils auraient pu le faire cacher. Là, je comprendrais. Non, ils font ouvertement comme pour jouer avec la conscience des gens. Puis, des choses que je trouve drôles aussi, c'est que, tu sais, on parlait tantôt d'une façon d'avoir la chèvre et le chou de leur côté. C'est que, tu sais, toi, là, tu fais un enregistrement sur YouTube, là, si le moindrement, ça parle de quelque chose de trop touché, tu vas faire quoi? Okay? Ça va être la même chose sur Facebook et ailleurs. Pourtant, sur le web, tu as des lanceurs d'alerte qui parlent de choses qui risquent d'arriver. Des professeurs, des scientifiques qui parlent de choses qui risquent d'arriver. Ça, c'est ouvertement, ils en parlent, c'est pas coupé. Tu peux les entendre. Si tu cherches le moindrement, tu vas t'appeler plusieurs médecins. Tu as même l'ex-vice-président de Pfizer qui dénonce la campagne de vaccination. Mais comment c'est ça que tu peux parler? Toi, tu peux pas présenter ton vidéo sur YouTube, mais eux autres, ils parlent ouvertement. Ils en parlent. Comme s'il y avait une volonté, d'une autre façon, d'avertir la population. Est-ce qu'ils veulent quelque chose? Ils attendent quelque chose de la population. Là, ils écartent le monde. Je cherche le monde que tu veux. Ben, c'est là que le point qui m'amène à vouloir t'amener à parler d'opposition contrôlée. À savoir que, il y a des gens qui, depuis le début de la pandémie, parlent de la possibilité que, d'une manière sciente, on laisse parler certaines personnes sur le web parce qu'ils sont sous contrôle à quelque part de l'astral ou des gens qui tirent les ficelles dans l'ombre. Puis quand il y a vraiment quelqu'un qui est indépendant de ça, même si un discours beaucoup moins controversé ou d'impact va être tout de suite censuré parce que il est pas sous leur influence. Ouais, c'est exactement ça. Et je me méfie maintenant de quand je parle. C'est comme, je parle trop, c'est comment ça se fait que tu peux parler de ça? Mais oui, c'est une sorte de certaine forme d'opposition contrôlée. Même si ce qu'il dit est vrai, probablement. Bien, il y a une partie qui est vraie. Dans le fond, il y a Claude Lafleur, pour les gens qui s'intéressent au concept sur YouTube, qui a fait plusieurs vidéos de vulgarisation du concept de position contrôlée. Je mettrai le lien en bas parce que ça permet de bien vulgariser ce concept-là, je trouve. Mais le point à travers l'opposition contrôlée, c'est de prendre des gens qui, chez eux, qui auraient une opposition légitime par rapport à ce qui se passe et de les orienter vers une voie de garage que ça aboutira jamais à des changements de société où ça changera jamais la situation. Fait que l'idée, c'est de prendre des gens qui auraient un potentiel réel de changement, mais te dirigent vers certaines figures médiatiques qui se présentent comme étant les porte-parole du changement, mais ça changera, ça n'occasionnera jamais un changement au second niveau. Il y aura rien de concret qui va déboucher de tout ça, là. Ouais. Ah ben là. Parce que moi, j'ai Bon, la l'impression que prochaine. c'est ce qui se passe par rapport à certaines personnes présentement qui entre guillemets, parlent pour dénoncer les choses. c'est que, à quelque part, si on le prend au niveau occulte, c'est qu'il y en a qui sont chevauchés par l'astral, fait que ça mènera pas des gens à monter en puissance puis en parole supramentale, là, c'est clair, là. Oui, le plan, parce que s'ils sont si intelligents que ça, leur plan n'est pas fameux, là, parce que y a trop d'informations qui sortent. On va dire, ben, c'est parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus rien cacher. Mais il peut y Ils sont avoir si des intelligents que fuites ça. voulues pour créer des ballons d'essai de dévoiler certaines choses, ou ça peut être même pour attiser la discorde puis la division. Donc, un peu comme l'adage de Machiavel, diviser pour régner. Fait que peut-être qu'ils font fuiter sciemment de la vraie information pour que les gens se montent les uns contre les autres, puis créer une situation que pendant que les gens sont occupés de se battre entre eux, ben, ils ne voient pas qu'ils sont manipulés simultanément par le même plan astral. Oui. Sauf qu'eux-mêmes sont manipulés. Les manipulateurs Oui, sont manipulés. Et exactement. éventuellement, ben, ils vont se faire remettre à leur place. On ne sait pas comment ça va avoir lieu. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, exactement, parce que les gens qui se sont chevauchés par l'astral, qui sont dans un esprit de domination, ben eux autres sont pas libres. Ils sont pas dans la conscience de l'esprit. Ils n'ont pas une conscience impersonnelle, comme le parlerait Bernard de Montréal. Fait que, autrement dit, ils sont autant enchaînés que ceux qui veulent enchaîner. Fait que c'est pour ça que, dans un sens, quand on regarde certains politiciens qui imposent des choses, puis on sent beaucoup de pression imposer des choses, parce que, puis genre, tu sais, bon, mon but, c'est pas de m'en prendre à des politiciens spécifiques, là, mais tu sais, je regarde certains politiciens au Québec dans les médias, tu sais, que je regarde Christian Dubé, je le vois qu'il est très tendu, fait que lui-même, il est pas bien dans sa peau. Fait que, tu sais, à quelque part, il rayonne pas, comment dire, d'une énergie de liberté, là, en tout cas de ce que je perçois de lui ou d'autres politiciens, là. Fait que moi, je sens qu'ils sont eux-mêmes sous pression, puis ils refilent la pression à la population de qu'est-ce qu'eux autres vivent, là, tu sais. Effectivement. Fait que Effectivement. pour moi, je les vois comme des courroies de transmission de l'astral qui vont chercher à créer la peur. Là, j'écoutais le bulletin de nouvelles aujourd'hui, puis là, le nombre de cas augmente, puis en dépit des mesures, gna gna gna. Fait que là, je sentais sous tension pour transférer l'attention aux gens qui écoutent ça à la télévision. Puis, à quelque part, ce que je vois, c'est une espèce de contagion émotionnelle astrale là, qui se dégage de ça, là. Moi, j'ai des gens que je connais qui sont branchés sur LCN Oui. à longueur de journée, là. Depuis 18 mois, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis oui, c'est de la peur, c'est anxiogène. Puis, tu sais, il y a un chapitre de la jeunesse du réel de Bernard là, qui s'appelle la masse mondiale. Ben, c'est ça, la masse mondiale. On l'a en face de nous. Extrêmement dense, lourde, intense. Faites de peur, peur de la maladie, peur du gouvernement, peur du vaccin, peur des non-vaccinés, puis là, bientôt, peur des vaccinés, peur, peur, peur. C'est lourd. Oui. Nous, il faut cheminer là-dedans, puis garder notre mental clair. Quelque chose, là. Non, En même exact. temps, c'est facile, c'est drôle. Oui. D'une certaine façon, on dirait que ça ne me concerne pas. Je regarde ça ne me concerne pas. Mais des fois, ça me rentre dedans, puis moi, je fais, écoute, depuis l'élection de Trump, je vis sur Twitter un peu. Je suis la politique américaine intensément. Et puis, maintenant, ben, évidemment, avec la pandémie, je suis tout le temps là-dessus, je vis sur l'Internet tout le temps. Et ça rentre dedans, à un certain moment, il faut que je prenne un break, là, je me sens plus moi, là. Je suis plus moi, là. Je suis ailleurs, là. Il faut que je me détache, bon. Il y a comme une matrice psychique, là. Puis, là, je suis rendu que maintenant, obligatoirement, tous les jours, là, plusieurs fois par jour, j'arrête tout. Je m'assieds, je fais rien. Puis là, je me ressens parce que c'est épuisant. Mais ça, le monde, OK, je ne suis pas tout le monde qui vit sur Internet, là, puis à lire des affaires normales. Moi, ça m'intéresse. Je suis là-dedans. Mais, d'une manière générale, là, les gens vivent dans l'anxiété et la peur par rapport à tout Oui, exactement. ça. Tu sais, autant des côtés des gens qui font la promotion des mesures, qui ont peur du virus, ou de l'autre polarité, les gens qui sont des lanceurs d'alerte, qui s'opposent aux mesures, qui ont peur de perdre leur liberté. Fait que, Moi, ce que je perçois, c'est que il y a beaucoup de polarisations qui se font présentement, qui se déroulent présentement avec les différentes nouvelles. Puis je perçois des gens là, beaucoup qui vivent la peur en lien avec la crise, là. Ouais. Oui, même les lanceurs d'alerte, pour moi, c'est important de les écouter. En même temps, il faut doser, là, parce que des fois, c'est élevé. Puis, sans avoir raison, malheureusement, Ben oui, ben il c'est faut ça, si prendre on le recul. pense entre autres à Alexis Cossette-Trudel, qui environ un an avait annoncé, parce que je l'écoutais à ce moment-là, c'était dans le coin du mois d'août, qu'elle allait avoir un passeport vaccinal. J'aurais dit ça aux gens de mon environnement. Il a dit, t'es-tu fou, toi, t'es un conspirationniste? Ouais, mais aujourd'hui, le 1er septembre, cette vision-là s'actualise et c'est concret. C'est ça le Ouais. point, là. Mais là, si ça mène à un autre point, tu vas Oui. être encore considéré comme complotiste. Ça, tu avais eu raison, hein? Alexis, il a eu raison souvent, Exactement. Puis c'est sûr que ça fait partie des gens qui ont été tassés, là, entre autres de YouTube, de différentes plateformes. Il a été beaucoup censuré, Alexis. Fait que moi, je me dis, s'il est censuré comme ça, ben c'est parce qu'à quelque part, il dérange, là. Donc. oui. Mais Alexis, son approche, il va parler de ces choses-là, mais il y a comme toujours une. Il est toujours positif, me semble, en tout cas. C'est sûr qu'il est influencé par Q, puis la vision du rôle de Donald Trump là-dedans. Donc, il y a un espoir, là, mais là, on est rendu le 1er septembre. Donald Trump, ça va faire 10 mois qu'il a perdu l'élection, en guillemets. Mais il n'y a rien qui se passe. Ben oui, exactement, parce que lui, tu sais, il criait à la fraude électorale, puis il dit, vous allez voir, là, il y a eu l'investiture de Joe Biden au début du mois de janvier, puis il dit, ah, d'ici un mois, vous allez voir, là, la fraude va sortir publiquement. Fait que là, le temps passe, puis là, non, non, ça va aller un petit peu plus tard, un petit peu plus tard, puis finalement, comme tu le mentionnes, ça fait 10 mois, puis la fraude électorale n'a pas fait en sorte que Joe Biden a été destitué, là. Non, mais remarque que le gouvernement est en train de quasiment s'écrouler, avec les événements en Afghanistan. Donc, quelque part, le faux gouvernement là, de Biden, les gens commencent à voir que c'est de la fine, là. On voit bien que ce gars-là décide de rien. T'sais. Donc, c'est comme, il se passe-t-il vraiment quelque chose? Il va-t-il vraiment se passer quelque chose comme on nous l'annonce depuis longtemps? Moi, je l'ai cru longtemps, puis là, maintenant, là, je commence à. Je me tourne plus ici, là, puis je vois ce qui se passe ici, puis je l'espère un peu ce qui se passe aux États-Unis. Oui, On verra. Oui. exactement. C'est sûr que moi, de mon côté, je fais attention pour pas, dans le fond, voir en la personne de Donald Trump le sauveur qui va faire le ménage là, par rapport à l'État profond puis la corruption là, au sein du gouvernement américain ou même à l'international. Moi, j'ai pas une vision aussi optimiste par rapport à lui, puis je veux pas en faire un Jésus numéro 2, là, tu sais, tous les gens ont l'espoir du retour de Jésus qui va sauver la Terre. Puis là, les gens espèrent le retour de Donald Trump à la présidence des États-Unis pour amener de l'ordre. Je mettrai pas mon salut à un individu particulier là, comme ça, là. Ben, à date, en tout cas, il n'y a rien qui s'est passé. Hein. OK, c'est évident maintenant pour tout le monde que les médias sont corrompus, que les médias mentent. Oui. C'est évident. Ce gouvernement-là, aux États-Unis, du moins, là, est un gouvernement fantoche. Je pense que les gens le voient maintenant, de plus en plus. Mais à part ça, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas encore de changement. On verra. On verra. Je perds pas espoir de ce côté-là, mais je sais pas. Non, Le temps le dira, on verra. exactement. Mais pour en revenir à la pandémie, je voulais savoir, dans le fond, par rapport à toi, ben, premièrement, est-ce que tu as la vibration que le virus a été créé en laboratoire ou il provient de la nature? Non, il a été créé en laboratoire. OK, Il parce a que. été créé en laboratoire. OK. Il a été créé en laboratoire de notre côté. On dit qu'il n'a jamais été identifié en tant que tel, le virus. Donc, tu sais, Ouais, tu me dis, est-ce que j'ai la vibration qui est entrée en laboratoire? Ça motive tout. Ben, c'est intéressant parce que j'avais interviewé là, il y a plusieurs mois là, Michel Labrèche, qui a été aussi à des conférences de Bernard de Montréal. Il a écrit des livres, puis lui, j'ai posé la question, puis il a eu la même réponse que toi. Donc, c'est un ancien séminariste aussi. Puis moi aussi, j'ai eu cette impression-là dès le départ. Donc, l'idée qui avait été tassée assez rapidement, là, que le virus aurait été créé en laboratoire, en disant, oh, des thèses complotistes, puis finalement, récemment, ça a ressorti. Avec les courriels de Fauci qui ont été amenés sur Oui. la place publique. Fait que, donc, puis à ce moment-là, si on part du principe, parce que c'est ce que je perçois aussi, qui aurait été créé en laboratoire, c'est de voir est-ce que il a été amené dans l'environnement d'une manière intentionnelle ou par hasard, entre guillemets. Ben écoute, 2 mois avant l'éclosion de la pandémie, il y a eu l'événement dont tu parlais tout à l'heure, qui impliquait Bill Gates, en fait, Oui. une simulation d'une pandémie. Drôle de hasard. Drôle de hasard. Ensuite, on dirait que tous les pays étaient prêts pour ça. Ils font toutes la même chose. Ils font toute la même politique. Comme ça semble trop bien orchestré. C'est ça, pendant que tu... Écoute, Oui. au mois de mars, je pense que ça faisait une ou 2 semaines qu'on était en confinement, puis Arruda disait déjà qu'on reviendrait pas en arrière, que tout serait changé, que l'économie, la vie serait changée à cause de ça. Ben là, si c'était une surprise comme virus, comment est-ce que tu peux en être sûr? Comme si c'était déjà attendu. Il savait. Pas comme, il savait. Il savait. Il voulait ça. Exactement. C'est sûr que pour Arrossio Udo, pour les gens que ça intéresse, portez l'attention à l'épinglette qu'il a toujours sur le veston des objectifs globaux. Donc, ça fait Oui. penser un petit peu à un œil. Puis, les objectifs globaux, c'est tandis que l'agenda 2030, donc 2030, lié au Forum économique mondial, c'est sûr que d'apparence, on parle d'objectifs très nobles, l'accès à l'éducation pour tout le monde sur la Terre, l'accès à l'eau potable, la justice, etc. Mais en même temps, derrière cet agenda-là, c'est de voir s'il n'y a pas des entités astrales qui cherchent, au nom de la vertu, de mettre en place une espèce de dictature mondiale, là. Ouais, je m'intéresse ces temps-ci encore. Je me suis intéressé souvent à ça, mais au régime nazi. Puis il y a des similitudes en cette façon de penser aujourd'hui, puisque eux autres avaient l'intention d'essayer d'instaurer à l'époque une forme d'eugénisme. Le transhumanisme, c'est une forme d'eugénisme. Oui, certainement. Puis là, on parle que les vaccins, c'est des thérapies géniques. Fait que ça va dans le sens de l'eugénisme, c'est-à-dire qu'on modifie sciemment, entre autres, l'ARN messager chez les êtres humains pour amener quelque chose qui dépasse le taux de l'être humain actuel, là, tu sais, Ouais, comme si pour eux, l'être humain est un objet d'expérience, comme une espèce à élever, à corriger. Il le voit seulement sous sa dimension d'espèce, il ne voit pas sous la dimension d'individu. Ouais. Mais je pense pas que l'être humain ou l'espèce humaine a à être, juste le mot anglais, le brûlé, là. Travailler. Je pense que c'est juste l'individu qui, progressivement, va faire en sorte que l'humanité va se transformer. Mais ça, ils n'ont pas le contrôle là-dessus sur les individus. Ils voient l'être humain juste comme une manière biologique, matérielle. D'ailleurs, ils veulent s'y incorporer des chips, puis ça, ils le disent ouvertement, là, leur choix du Oui. gouvernement, de fusionner l'homme avec la machine, là. Exact. Ils considèrent l'homme juste comme une machine. C'est ça, c'est une vision matérialiste là, très restrictive là, de l'être humain. Puis le paradoxe, c'est que lui veut fusionner l'homme avec la machine pendant que l'esprit peut vouloir chercher à fusionner avec l'homme comme le parle l'instruction supramentale. C'est vrai, mais ça, ils ne voient pas ça, non? Non. Donc. Mais au-dessus de l'autre, il y a un autre plan. Oui, mais ça, il ne l'appréhende pas, le plan supramental ou le plan éthérique. Donc, c'est comme si ça leur échappe. Puis moi, j'ai l'impression qu'ils sont possédés malgré eux par l'astral, qui cherche à accroître sa mainmise là, sur les êtres vivants que des mesures de contrôle de plus en plus restreignantes. Là, ouais. Oui. Puis eux Non, autres, mais ils. moi, cet astral-là, il a très peur de ce qui s'en vient. Ouais, ben c'est ça. C'est que moi j'ai l'impression que les politiciens, entre guillemets, ben, à différents niveaux, là, c'est sûr, là, mais disons au plus bas échelon, eux autres croient faire le bien. Ils se font dire par des spécialistes, ben vacciner tout le monde, le vaccin, c'est la solution. La personne n'a pas nécessairement de compétences en matière de virologie ou autre, puis elle croit. Fait que là, elle dit, OK, on va vacciner tout le monde, puis plus que c'est vacciné, mieux ça va être, naïvement. Mais la personne n'a pas la vue d'ensemble de toutes les implications de ses actions. Puis tout l'agenda occulte qu'il y a derrière ça en termes de contrôle social et d'imposition du pass sanitaire. C'est vrai, c'est vrai. Mais tous les décideurs de ce plan-là sont tous chevauchés. Exactement. Puis, ce qui les chevauche, ça me dit moi que ça a très peur. Donc, il y a quelque chose qui les effraie, là. Ils ont besoin que la peur au niveau chez les êtres humains augmente parce que ça les protège, mais éventuellement, la Ben, lumière va passer. Là. oui, ben c'est ça. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont peur du retour, entre guillemets, des forces de la lumière ou de la descente du plan éthérique. Ils savent que leur temps est compté. Fait que là, à ce moment-là, ces forces retardataires cherchent à retarder le plus longtemps possible la succession du pouvoir avec la régence planétaire. Donc, ils veulent garder la mainmise sur la Terre là, le plus longtemps qu'ils peuvent, là. Non, c'est comme ça que je le vois aussi, moi. Donc, Ouais. c'est intéressant, on perçoit la même chose. Tantôt, quand on parlait par rapport au virus, je posais la question, puis c'est ça qui est intéressant quand on parle en interface. J'ai eu la vibration que ça a été, le coronavirus a été non seulement créé en laboratoire, mais ça a été amené sciemment par le plan astral à être diffusé. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une volonté derrière ça. C'est ça, créer la peur parce que quelque part au niveau mondial à travers la menace du virus, parce qu'eux autres savent que leur temps est compté, puis la seule façon de garder leur emprise au maximum sur les gens, c'est de les amener à vibrer à la peur le plus longtemps possible. Puis quoi de mieux qu'un virus qu'on voit pas, qui est invisible, puis on peut tout le temps utiliser cette menace-là pendant longtemps, parce que comme l'expliquait un dirigeant d'entreprise, je pense que c'était Moderna ou Pfizer, mais le virus, il mute tout le temps. Fait qu'en réalité, on préfère continuellement des campagnes de vaccins, de rappels de vaccins, puis de la peur de la vague du variant Delta, Gamma, etc. On passera toutes les lettres de l'alphabet, là, si on veut, là. Fait que ça n'a pas de fin. Oh, c'est un abonnement à vie, là. Eux autres, les Big Pharma, eux autres ont de l'argent, ils sont contents. Bien, c'est ça, à coup de milliards, puis là, on apprend qu'au Québec, Moderna va construire une entreprise. T'écoutes comme moi le Colin Show, il parlait de ça récemment. Fait que là, tu vois qu'ils veulent implanter un système où à chaque année, tu pourras avoir, par exemple, deux ou trois doses là, de rappel de vaccins, les boosters, à vie, parce que le virus modifie tout le temps, là. Donc, ça va faire partie des habitudes comme manger puis respirer. Oui, Ça fait exactement. Ou renouveler à chaque année son abonnement là, à la salle d'entraînement physique. partie. Parce que moi, pour entrer à ma salle d'entraînement, j'ai une carte magnétique. Puis il faut Ouais. que, en fonction de la nature de mon renouvellement, moi, j'ai choisi à l'année, il faut que je paye un montant d'argent pour que la carte soit réactivée. Parce que sans ça, je suis bloqué. Fait que ce serait le même concept que je vois qui pourrait être utilisé avec le passeport sanitaire ou Ouais. vaccinal. Donc, à chaque année, quand tu as ta dose, ah, on te réactive ton passeport, tu peux continuer à aller au restaurant et les activités. Ouais, mais ça, c'est ça. Si leur plan fonctionne tel qu'on le conçoit rationnellement. Mais on parlait de peur tantôt, puis Oui. ça veut juste la peur. Ça veut ça, là, ça veut la peur. Quelque forme que ce soit. Donc, ils peuvent utiliser des gens pour leur faire prétendre qu'ils vont instaurer un ordre mondial. Mais cet astral-là s'en fout de l'ordre mondial. Il veut juste la peur. Ah, Ça ben c'est en est un. intéressant parce que pendant que tu me parles, il me vient en tête Bernard de Montréal qui disait à Richard Glenn que le but des forces derrière les nazis, c'était pas qu'ils gagnent la guerre, mais c'était d'amener le chaos social. Fait que tant qu'Hitler croyait qu'il était supporté par des forces occultes qui lui permettraient de gagner la Deuxième Guerre mondiale, ben, il était manipulé dans sa naïveté. Mais en réalité, le but des forces astrales qui étaient derrière Hitler, c'était pas qu'il gagne, c'était tout simplement qu'il y ait un chaos puis que les gens vibrent à l'astral. Bernard, il disait, derrière toute pensée, derrière toute pensée, il y a une pensée. Bon, mais maintenant, s'il commence à y avoir des gens qui sont capables de vivre, d'activer leur volonté sans la pensée, ben, dans l'astral, ça, là, c'est bien menaçant. Donc, autrement dit, s'il y a des gens qui commencent à vivre sans peur, Oui. c'est bien menaçant. Puis ça donne que c'est comme ça. Il y a des gens qui commencent à vivre sans peur, qui sont capables d'être vibratoires dans leur vie, puis d'être centrés, puis de ne pas avoir peur tout le temps. Mais ça, c'est un petit peu de lumière qui rentre, là. Ça les terrifie. Puis ils veulent juste augmenter le niveau de peur. Mais Exact. ça marche, ça, pour l'instant. Oui, mais c'est sûr qu'on va voir. Moi, ma curiosité, c'est de voir si on prend la population québécoise, ils vont accepter comment de dose avant de lâcher le passeport sanitaire, là, comme on dit. L'adhésion sociale avant d'atteindre le point de rupture, ça va être quoi? Est-ce que les gens vont se rendre à la quatrième dose, cinquième dose? Ça, c'est ma curiosité personnelle, là, tu sais. Ben, en Israël, là, il y a 9 millions d'habitants, Oui. puis il y a 2 millions de personnes qui ont reçu leur troisième dose. Les gens sont très dociles. Très, très dociles. Oui, exact. Surtout si troisième dose, puis qu'on dit, si tu n'en prends pas de quatrième, là, t'es fait, là, ton système immunitaire, il est tombé. Tu as besoin de la quatrième dose pour vivre, là. Tu vas prendre tant qu'il y en aura, là. Ah, ben ça, tu vois, j'ai pas entendu parler de TVA ou Radio-Canada de ça, que les gens deviendraient accoutumés aux doses, au fil du temps, là. Mais regarde, pourquoi ça prend une troisième dose? Parce que la première dose, ou les deux premières doses, ont diminué. Ils sont plus aussi effectifs. Pourquoi? Parce qu'il y a le Delta, le variant, whatever. Oui. Donc, ça prend une troisième dose. Non, mais la troisième dose, à un certain moment, elle va passer, elle va atteindre le même stade de diminution, là. Oui, Elle exactement. va prendre une quatrième dose. Puis, ce que j'entends, c'est que le système immunitaire est affecté et diminué par ça. Donc, tu as besoin de ta dose pour maintenir ton système immunitaire un peu plus élevé, hein. Sinon, tu tombes malade. Ça devient absolument une nécessité d'avoir ta dose. Autrement dit, ça occasionne une espèce de dépendance qui affaiblit le système immunitaire progressivement, comme si le système immunitaire deviendrait paresseux parce que là, il est habitué de sa dose qui va le stimuler, là. Ouais. Ou c'est peut-être pas tout à fait Ben, ça, là, je sais pas, je suis pas... Comment? je suis pas non plus scientiste là-dessus, là, mais je sais ce que la protéine Spike fait, qu'est-ce que les autres cochonneries qu'avant le vaccin peut faire, qu'est-ce que ça va créer sur le système immunitaire. Ben, il y en a qui disent que c'est la troisième dose qui est la plus nocive au niveau du système immunitaire. Écoute. On ne peut pas croire personne. Pour rester dans l'expectative et observer, hein, je ne sais pas. On Mais verra. moi, vibratoirement, que j'ai eu quand on a commencé à parler de la troisième dose, les doses de rappel, moi, ce que ça me dit intérieurement, à ce moment-là, ça m'a comme dit, là, tu as la confirmation que c'est un racket, là. On cherche à t'abonner à quelque chose, on cherche à te garder dépendant. C'est comme, ça me dit intérieurement, décroche de ça, puis ça presse, là, tu sais, c'est... Mais moi, je me suis pas fait, dans le fond, injecter, là, mais là, c'est comme une confirmation intérieure que je vois que c'est parti pour nous maintenir une espèce d'emprise sur l'être humain pour dire, ah, ben ça me prend une deuxième dose, sinon je suis pas correct, gna, gna, gna. Il y a comme une volonté d'assujettissement, c'est ça, à une programmation vaccinale qui va dicter tes comportements, tes allées et venues. Donc, être sous contrôle, ouais. On verra, mais tu disais jusqu'à quel point la population est docile. Pour l'instant, la population est très docile, hein. très docile. Oui, exactement. Moi, j'ai Peut-être qu'on l'impression. est. Oui, je t'écoute. OK. Ben, en fait, moi, de Peut-être qu'on est mon. enfermé dans notre spécificité linguistique, parce qu'on est fermé au reste du monde. C'est facile de manipuler les gens. Ben oui, parce qu'ici au Québec, dans le fond, en parlant français, puis le reste de l'Amérique, c'est tout anglophone. Ben, on n'a pas besoin d'avoir un peu comme la Corée du Nord, là, des gardes avec des mitraillettes là, à la frontière. Vu qu'on la plupart des Québécois, oui, on a vu peut-être l'anglais un petit peu au primaire ou au secondaire, mais habituellement, la maîtrise n'est pas assez bonne pour pouvoir avoir au niveau professionnel un niveau à. En tout cas, c'est ça, moi, je suis pas à Montréal, là, mais tu sais, je veux dire, les gens qui sont dans les régions. C'est difficile d'être assez bilingue pour être capable de fonctionner en société puis dire demain matin, je m'en vais vivre aux États-Unis ou je déménage à New York, là. Oui, Ouais. bon, voilà. Puis Comment? le fait de parler juste une seule langue, Oui. ben, tu te réfères à tes propres médias, tout ça, hein. C'est ça que les gens font. Ben c'est ça, c'est comme on est enfermé avec TVA, Radio-Canada, puis. Tu sais, on est comme dans une bulle, on est pris. Ouais. Remarque que des États aux États-Unis, ils sont pareils comme les autres. Pourtant, ils sont couverts à plus que leur propre État. Oui, exactement, là, surtout des États du Nord ou des États plus démocrates, mais quand on parle du Sud, comme le Texas ou la Floride, eux autres sont plus à contester les mesures, plus libertariens pour les libertés individuelles, là, Oui, c'est la caractéristique des Américains, puis heureusement, moi, je dis ça d'une manière individuelle. Je me situe par rapport à tout ça d'une manière individuelle. Ça aussi, je le vois. Puis il y en a plusieurs autres, là. Mais chez eux, là, c'est collectif, hein. C'est une collectivité qui s'oppose à ça. C'est une forte vibration, là. OK, c'est collectif, là, mais quand même, ça va dans le sens de la liberté. C'est quelque chose. C'est pour ça que les États-Unis, c'est très important, là. Très, très important. C'est pour ça que je me suis beaucoup intéressé, parce que je voyais bien qu'il y avait quelque chose dans cette constitution-là. Il y a de la lumière là-dedans. Il y a de la lumière qui est en lien avec la liberté de l'homme. Donc, il y a des États en entier qui d'une façon programmée, peut-être, qui collectiviste, mais qui vont dans cette direction-là, c'est extraordinaire. Pour pas que ce soit perdu, ça se passe pas. Non, exactement. Exactement. Mais j'étais curieux de voir ta vision que tu avais du Québec, parce que présentement, on est l'une des provinces canadiennes, même en Amérique du Nord, si on compare aussi avec les États-Unis, qu'on est avec les mesures les plus, je trouve, en tout cas, des mesures les plus restrictives, là, tu sais, le passeport sanitaire, ça s'installe ici, le premier endroit en Amérique du Nord. On a eu des confinements, couvre-feu à 20 heures, tout ça. Pourquoi que le Québec est plus affecté que les autres endroits? Ça m'a dit catholique dans ma tête, là, OK. pendant que tu parlais. OK. Aussi, on est les plus marginaux parmi tous les Canadiens. Donc, s'il y en a un qui doit être dompté en premier, ben, c'est le Québec. Donc, c'est un petit peu casser un peu comme un peu un père de famille qui voudrait casser l'enfant qui est le plus rebelle du groupe pour donner un exemple aux autres. Ouais, parce qu'on a toujours voulu s'affirmer distinct, indépendant, avec notre propre gouvernement par rapport au gouvernement central. Donc, tape sur ce clou-là pour pas qu'il dépasse. Il y a quelque chose de plus poussé là-dedans, là. Il y a quelque chose au Québec qui fait pas leur affaire. Ben, moi, l'une En des. France. Oui, je t'écoute. Non, j'aurais pu. En France, c'est la même chose. OK. Parce que moi, ce que je trouve curieux dans cette histoire-là, c'est qu'on a Israël qui sont les pionniers en matière d'instauration de mesures. Tu sais, en termes de vaccination mondiale, de mise en place du passeport sanitaire, c'est vraiment les pionniers. Puis, dans le domaine de la conscience christique, ou même dans le fond, hébreu, c'est eux autres qui avaient eu. Bon, il y avait eu Moïse, il y avait différentes personnes. Il a été même en contact avec les extraterrestres là, par rapport à, si on pense à Edregrad, là, qui parle de l'alphabet hébreu qui aurait été donné par des gens qui venaient de l'espace. Ensuite, ils ont eu Jésus-Christ, puis ils ont été les pionniers par rapport à la conscience christique. Et je me demandais si on pouvait faire un parallèle avec la conscience du peuple québécois où Bernard de Montréal a donné son instruction, puis lui, c'est un des pionniers à l'échelle internationale dans la diffusion de la conscience supramentale. Écoute, Jésus est mort en 33 après Jésus-Christ. Oui. Puis en 72 après Jésus-Christ, Israël, la Palestine s'est détruite. Rome avait mis du temps, puis les Juifs étaient expatriés d'Israël. Donc j'espère que c'est pas la même chose qui s'en vient au Québec. Ouais, moi non plus, là, je ne souhaite pas la destruction du Québec, mais peut-être qu'à travers la crise, vu qu'on la vit d'une manière assez forte puis intense, il y aura un effet paradoxal qui va faire en sorte qu'à force de se faire brimer dans nos libertés, on va devenir dans le futur des ardents défenseurs de la liberté individuelle. Moi, je pense que tu as raison dans ce que tu dis. Je le vois comme ça aussi. Oui. Mais ça va prendre un énorme choc, là. Pour l'instant, le choc n'est pas là. Le choc va venir d'Israël, d'après moi. Bien, présentement, au niveau d'Israël, on voit l'augmentation. Au moment où on se parle, on est au début du mois de septembre. Les cas augmentent toujours. Quand on dit des cas, c'est sûr, ça peut être sujet de discussion par rapport aux tests PCR qui seraient biaisés, les faux positifs, etc. Mais au niveau officiel, le nombre de cas augmente toujours. Alors que ces gens-là sont massivement, c'est un des endroits dans le monde qui sont plus vaccinés deux doses. Là, ils sont vaccinés de plus en plus de troisième dose. Puis ils ont en plus des mesures très strictes de contrôle social, dont le passe sanitaire. Puis ça ne marche pas pour réduire le nombre de cas. Fait que là, moi, le Non. question. Ouais. Non, c'est vrai. C'est ça. Fait que moi, le questionnement que j'ai, si ça ne fonctionne pas pour réduire le nombre de cas, qu'est-ce qu'ils vont faire après, là? Ils vont-tu mettre les soldats dans les rues comme en Australie? Ah, écoute, moi, ce que ça me dit, c'est que le vaccin est nocif. Des victimes, il va y avoir des victimes. Puis il y a un scandale qui va venir de ça. Quelle meilleure place pour avoir ce genre de scandale-là, pour le commencer, Israël, Ben, c'est qui la poule. ont, eux, Oui. déjà vécu en tant que peuple avant d'être en Israël, ils ont déjà vécu quelque chose d'un peu semblable. Hein. Ben, si on. Sauf qu'il y avait Oui. un hécatombe au Guinée, là, ou aux îles Baboué, là. L'opinion mondiale ne serait pas aussi alarmée que si tout à coup on se rend compte que ces mesures-là, cette chose-là qu'on force les gens à prendre, a des effets terribles sur la santé des gens et peut jusqu'à les tuer. Là. Ça sait que ça part d'Israël, ça va savoir vite partout. Là. Aux États-Unis d'abord, parce que Israël et les États-Unis sont très liés, Exact. qu'il y a plus de Juifs aux États-Unis qu'en Israël. Donc si un jour, le scandale éclate, ben, ça part d'Israël. Puis là, ben, étant donné qu'ils sont très sensibles à ce genre de choses-là pour l'avoir déjà vécu, l'opinion va être vite, vite alarmée. C'est la même chose en Allemagne. Pas pour rien que celui qui développe des cas judiciaires, c'est un Allemand. Eux aussi sont sensibles à ce genre de choses-là. Comment dit, s'il y a un hécatombe, Israël s'en aperçoit le premier. Oui, Et le monde va exactement. être La averti. façon que se positionnent les choses présentement, c'est eux autres qui vont être affectés le premier parce que c'est eux autres qui vaccinent massivement, là. C'est un des endroits dans le monde qui vaccine le plus, là. Oui, Puis ils ont oui. même eu une entente d'exclusivité avec Pfizer qui a fait qu'ils ont eu des vaccins là, en plus grande quantité que d'autres endroits dans le monde, en échange de données aussi des statistiques là, sur les gens d'Israël qui étaient vaccinés. Là. Il y a une entente d'affaires, en tout cas, entre le pays d'Israël et la compagnie Pfizer. Là. Alors, c'est Fait des que prix, hein? c'est ça. Fait que ce que tu dis, c'est intéressant comme hypothèse parce que, après tout, comme tu le mentionnes, Israël, c'est vrai qu'ils sont très proches des États-Unis. Les États-Unis, ben c'est sûr qu'ils supportent Israël parce que bon, c'est une des rares démocraties au Moyen-Orient. Puis tu sais, ils sont plus proches d'eux que d'autres pays là, arabes, là, naturellement. Fait qu'au niveau stratégique, c'est sûr qu'on peut faire des liens comme ça. On verra. Mais j'ai l'impression que les gens se réveillent, vont prendre des gros chocs comme ça. Exactement, Sinon, parce que. Oui, j'écoute. les gens vont tout accepter. Ben c'est ça, c'est parce que moi j'ai l'impression que quand les gens vont être confrontés à des réalités, comme par exemple des effets secondaires importants liés au vaccin, puis là, dans le fond, les médias n'en parleront pas ou ils vont essayer de camoufler, ben là, si toi tu connais, c'est un de tes amis, c'est des membres de ta famille, des collègues de travail, mais là, à un moment donné, ils vont avoir une dissonance qui va s'installer entre le discours des médias que tout va bien pour la vaccination versus la réalité concrète que tu vas avoir dans ta vie de tous les jours, là. Exact. Fait que là, à un Mais ça, moment... ne Oui. pourra plus être caché. Ben c'est ça. Quand il va y avoir trop de cas, ils ne pourront plus dissimuler. Ça va, la réalité va éclater. Puis ce que j'avais capté hier quand j'ai fait ma capsule audio, c'est que toutes les personnes, là, les chroniqueurs vedettes, là, tu sais, qui vont faire la promotion de la vaccination, là, puis les mesures, Denise Bombardier, ensuite Richard Martineau, tout ce monde-là, qui vont t'sais, traiter les gens qui pensent pas comme eux de COVIDio, etc., puis qui vont diaboliser les gens qui étaient opposés au vaccin, mais d'une manière quand même assez exagérée, là. Eux autres vont vivre le contre-coup de ça, là. T'sais, imagine, c'est des effets secondaires, puis ça fait des mois qu'ils prêchent le vaccin puis les mesures, puis finalement, il y a des effets graves, bien, ces gens-là vont être pointés du doigt, puis ils vont perdre l'autorité médiatique qu'ils avaient jusqu'alors, là. Ah, ça c'est certain, ça c'est certain qu'ils vont perdre ça. On n'en entendra pas là, ces gens-là. Les Ben. médias vont être blâmés pour avoir poussé à ça, puis aussi pour avoir caché l'autre aspect, là. Parce que si tu fouilles, tu trouves. OK? Les Exact. médias n'en parlent pas. Ils vont être blâmés pour ça, là. Ben, tôt ou tard, parce que là, tu sais, ben, si on prend le. Parce que moi, je suis le dossier, puis un peu comme toi, j'écoute de Colin Show là, sur Facebook, que je trouve très intéressant. Comme Jonas Collin en parlait, tu vois sur le site de la FDA, tu regardes la monographie de Pfizer, puis on avait déjà parlé une couple de mois, j'avais regardé celle du mois de mai, puis celle récente, la mise à jour à la fin août. Bon, ben les effets secondaires, comme par exemple le myocarde là, chez les jeunes hommes là, de 12 à 17 ans, ont été ajoutés. Fait que progressivement, ce que ça m'indique, ben, j'ai fait des sauvegardes des deux documents en PDF là, sur mon ordi, au cas où que ça disparaît. Ce que ça me dit, c'est que quand on parle d'un vaccin expérimental qui découvre, qui ajoute au fur et à mesure les effets secondaires, c'est vrai, là. Fait qu'autrement dit, ils ne savent pas c'est quoi les effets, là. Tu sais, j'ai la confirmation de ça. Fait qu'il y a eu plusieurs cas de myocarde aux États-Unis. Fait que là, ils ont été comme obligés de le dire. Fait que là, on leur a rajouté l'information. Mais, ouais. Mais toi, tu sais ça, moi je le sais. Il y en a beaucoup qui le savent. Ouais. Mais ce qui est intolérable, c'est que personne confronte le gouvernement là-dessus. Exact. Aucune personne dans l'opposition politique et aucune personne dans les médias. Exactement. Puis au point de Mais presse, les questions des journalistes, c'est toujours complaisant, là. Ils sont toujours complaisantes. OK, tu sais, au début, là, quand la pandémie a commencé, puis on était dans le premier mois, les 2 premiers mois, là, bon, OK, Legault fait ton mieux, bravo. Pas de ta faute, c'est le bon père de famille, là, mais après 18 mois, là, puis ça, tout paraît, là. Il n'y a plus l'air de ça du tout, là. Et les journalistes gardent encore la même dialectique avec le gouvernement. C'est comme ils se font écrire les questions, puis ils répondent quasiment. Il n'y a personne pour les confronter, puis aucun des chroniqueurs pour amener d'autres informations. Moi, quand j'écris dans les commentaires du Journal de Montréal, là, c'est jamais publié. On ne publie pas. Parce que je les comprends. On ne publie pas. Non, Va juste exactement. publier ceux qui sont d'accord avec le chroniqueur ou qui amènent un peu une dimension. Mais moi, si je les accuse, j'y vais formellement, là. On ne publie pas, là. Je le fais quand même. Non, exactement. Ou si on regarde des vox pop que font les médias de masse à TVA, Radio-Canada, quand ils posent des questions aux gens, comme là aujourd'hui, j'écoutais celle-là par rapport à la mise en place du passeport sanitaire. Là, ils vont interviewer la personne qui va dire ah, ça nous prenait ça, puis qui sont soit pour ou qui vont être neutres, ou s'ils sont contre, ils donneront pas d'arguments intelligents pour essayer pour montrer que c'est des gens qui sont peu éduqués. Fait que tu n'auras pas vraiment d'opposition crédible. Tu n'auras jamais un gars comme Jean-Jacques Crèvecœur, comme ça t'est fait en 2009 dans le cadre de la crise H1N1, qui t'a articulé, qui va prendre la parole pour dire non, je ne suis pas d'accord avec ça pour tel élément. Non, on n'a pas ça aujourd'hui. Il n'y a plus de débat public. C'est scandaleux. Exactement. Je ne pose pas de questions. Legault, là, c'est une journaliste que je respectais, ça. C'est une analyste que je respectais. Mais c'est comme. Et puis là, femme-là. La Bombardier, puis Martineau, là. Puis c'est de voir qu'ils écrivent des articles pour condamner la haine que les gens ont envers les policiers, mais ils font qu'alimenter la haine constamment. Ben, c'est ça. Comme Denise Bombardier en a fait récemment un article là, où ce qu'elle animait, je trouvais que c'était des propos haineux là, contre les gens là, qui étaient à la manifestation, qu'elle qualifie les anti-vasques qui veulent avoir le droit là, de tuer les autres en propageant le virus. T'sais, elle leur prête des intentions criminelles, là. C'est des propos haineux. Exact. Hein? Tu lis les commentaires, puis les gens sont bien d'accord avec eux. Comment? Exactement. Fait qu'il faudrait surtout pas que le virus amène plus de dommages que de bénéfices parce qu'elle va vivre le contre-coup karmique de ses propos, de qu'est-ce qu'elle a fait. Tu sais, tu diabolises des gens, puis finalement, c'est ton option qui n'est pas la bonne puis qui entraîne des problèmes. La personne, elle va être dans l'eau chaude tantôt, comme on dit, là. Ouais. Je me souviens que Bertrand avait dit, Outremont, c'est pas loin, là. L'île des Sens, c'est pas loin non plus, là. Des gens qui peuvent être, très fâchés. Ben exactement. Tu sais, si on pense à Dr. Arosia Ruda, dans les premières semaines de gestion de crise, il était adulé, le bon docteur. Il y a un des T-shirts avec la photo d'Arosia Ruda dessus, comme c'était le sauveur national. Puis quelques semaines après, quand les gens ont vu que les mesures étaient là pour durer, il y a eu des menaces de mort. Ouais, pas long, hein? C'est ça. Puis là, on parle pas de cas de gens qui seraient. Ben oui, il y a les gens dans les résidences de personnes âgées qui sont morts, là, mais je veux dire, il n'y a pas eu d'hécatombe liée à la vaccination. Mais imagine que si ça arriverait puis ça serait su du grand public, et il pourrait y avoir un autre procès de Nuremberg là, pour nos dirigeants, là, ou en tout cas, il faudrait qu'il y ait des bons gardes du corps, j'ai l'impression, là. Oh, il y a des gens qui vont tomber, là. C'est sûr qu'il y a des postes qui vont tomber, là. J'imagine que c'est ça le but, justement. On Exactement. verra. C'est rapide, là, tout ça, là. C'est pas dans 6 ans, là. Non, Ça commence là, là. c'est ça, l'actualité bouge beaucoup de semaine en semaine. Des fois, j'ai l'impression que je suis dans une espèce de téléroman, en fait, depuis à peu près un mois, depuis le début du mois d'août, ce qu'on nous dit, la date du 1er septembre, là, il va y avoir la mise en place du passeport. Puis plus qu'on se rapproche, plus qu'on nous dit que le nombre de cas, curieusement, augmente au Québec. Puis là, c'est comme une tension dramatique qui est créée là, pour amener un maximum de gens à être vaccinés là, avant le 1er septembre. Un peu comme si, par exemple, tu avais un gestionnaire d'entreprise qui dit là, il faut que je fasse le maximum de ventes d'auto pour la fin du mois pour avoir mon boni. Comme ça, tu penses, dans le fond, hein? C'est Ben, décourageant. ça donne cette impression-là. T'sais, moi, j'ai l'impression que c'est quasiment une vente à la pression. Là, t'sais, depuis de quelques semaines, on dit ah ben là, si t'es pas vacciné, tu pourras plus aller au restaurant, puis ci, puis ça. Puis là, on parle des gens de la santé de perdre leur emploi. Les gens qui travaillent au privé, François Legault qui disait que le fait que quelqu'un n'est pas vacciné pourrait servir de motif de congédiement. T'sais, ça va loin, là. J'ai entendu Trudeau dire qu'il s'arrange, il passerait une loi pour que ceux qui congédient les gens à cause qu'ils ne sont pas vaccinés ne soient pas poursuivis en justice. Oui, moi aussi, je l'ai entendu celle-là aujourd'hui. J'ai dit, Colin, ça va donc bien loin, là, cette affaire-là. Puis là, ce qu'on voit maintenant, c'est des accusations contre les parents qui amènent, par exemple, des enfants dans les manifestations ou des parents qui sont des COVID. Covidio, qui nous appellent, là, Oui. qui ne veulent pas faire vacciner leurs enfants. On entend parler de plus en plus de ça, là. C'est des jeunes irresponsables. Oui. Là, il y a une loi, là, qui va venir jouer dans le concept de la primauté parentale bientôt, là, qui va partir. Donc, si tu ne fais pas vacciner ton enfant, mais la DPJ prend ton enfant, c'est nous autres qui s'en charge. C'est commencé à Chicago déjà, ça. OK, tu vois ça, on Une en femme a. qui a perdu la garde de son enfant OK. parce qu'elle ne voulait pas la faire vacciner. OK. Tu vois ça, j'en avais pas entendu parler, mais moi, ce que je vois, c'est comme s'ils veulent manipuler les gens au maximum. Donc, une façon de manipuler un individu masculin, comme Bernard le disait, le karma de l'homme, c'est le travail. Fait que tu le menaces de perdre son travail. Puis, une façon de manipuler la femme, mais c'est le relationnel. Donc, perdre l'enfant, la garde de son enfant. Ouais. Si je caricature, là, mais ce que je vois, c'est qu'on essaie au maximum de nous manipuler pour forcer une vaccination. Puis, tu sais, là, on parle après les fêtes, je pense que c'est le 5 à 11 ans, puis après ça va être le 0 à 5 ans. Fait que là, on est comme dans une dynamique, là, c'est vraiment tu vaccines tout le monde mur à mur, là. Fait que moi, ça me préoccupe, là. Ben, ça me préoccupe pour mon avenir à moi, là. Je tiens pas du tout à vivre ça, là. J'ai un conjoint, puis les deux, on va sacrer notre camp, je sais pas comment. Mais si ça devient obligatoire, je ne peux pas passer à côté. Moi, je ne vais pas rester ici à faire l'imbécile, à me sacrifier, là. Je vais essayer de sacrer mon camp. Non, non, ben je comprends. C'est sûr que rendu à ce stade-là, en tout cas, c'est parce qu'il y a plusieurs choses qui me viennent en tête, là, parce que tu sais, j'ai des contacts là, dans le coin des Laurentides là, qui, je dirais pas qu'ils voudraient faire une commune, là, mais en tout cas, une espèce de regroupement de gens conscients là, qui. Mais en même temps, tout ça, c'est délicat parce que, bon, dans le passé, des fois, il y a eu des trucs qui ont viré en secte, etc. Mais peut-être qu'on va connaître des montants d'énergie, disons, dans les prochains mois, qui va faire que peut-être qu'on va s'épurer en tant qu'ego pour être capable de vivre la fameuse micro-société que Bernard parlait, là. Oui, mais cette épuration-là, moi, je la sens déjà beaucoup plus que je la sentais avant, là. Puis même toi, là, j'écoute des conférences, des enregistrements que tu fais, ta vibration n'est pas la même. Je trouve que ta vibration, elle passe beaucoup plus directement qu'elle était avant. Puis moi, je le vis intérieurement comme ça aussi, là. C'est normal, on est confronté à quelque chose, l'esprit s'anime. On accote. Ben c'est ça, c'est qu'un peu autant que dans un sens qui me vient en tête, c'est une espèce d'effet de balancier, autant que tu veux écraser quelqu'un, mais autant un peu comme à l'image d'un ressort, ça peut l'amener à remonter en énergie, là. Ouais, c'est ça qui arrive, je crois. Ouais. Exactement. Fait que c'est sûr qu'on vit des temps particuliers. Puis moi, un petit peu comme toi, puis j'aime ça parler avec toi, parce que là, pendant que je te parle, il me vient d'autres idées, d'autres images. Fait que ça me nourrit que si j'étais juste à parler tout seul, là, ça m'amène sur d'autres terrains. Mais dans le fond, par rapport au vaccin, moi, ce que j'ai l'impression, parce que là, il y a des gens sur Internet qui parlent que ça contient du graphène qui pourrait intoxiquer l'organisme avec plusieurs doses, fragiliser le système immunitaire. Moi, j'ai la vibration qu'il y a une réalité derrière ça. Puis que, dans le fond, un peu comme Colin Show, je pense que tu l'écoutes un peu comme moi régulièrement, là. C'est ça. Fait qu'il parle. Moi, j'ai l'impression que c'est juste une question de mots avant qu'au niveau de la masse, il va avoir un éveil lié à des effets secondaires. Mais ça va être quand qu'il va y avoir plein de monde qui vont être morts, puis. On ne pourra pas dire que c'est lié au hasard, là. Tu l'as dit. C'est ça que je pense aussi. J'ai de la misère à le dire. OK. Okay. Ça me fait, ça m'amène de l'émotion. Je le vois maintenant. OK. Parce Beaucoup que, de gens qui vont oui, partir. exactement. Tu sais, il va y avoir une espèce d'épuration qui va être faite. Puis c'est sûr que, tu sais, on a eu au printemps 2021 par rapport à AstraZeneca des cas de thrombose, là. Il y en a eu plusieurs en Europe, quelques-uns au Québec. Ça a créé un petit peu de peur, mais en même temps, on a vu un petit peu le cafouillage du gouvernement parce qu'on avait ici, là, M. Dubé qui dit non, non, AstraZeneca, c'est sécuritaire. Fait que finalement, avec les pays d'Europe qui arrêtaient d'administrer l'injection d'AstraZeneca, ben finalement, ce qu'il a fait, c'est que progressivement, il a arrêté d'administrer cette sorte-là. Tu sais, aujourd'hui, il n'en administre plus, là, d'AstraZeneca. Fait que, tu sais, ça donne Non, mais une. c'est ça. Tu as le méchant vaccin, mais les autres sont bons. C'est ça. Oui, machin. On l'a trouvé, là, on l'enlève. Celui-là est encore bon. Allez savoir, là. OK? Exactement, c'est ça. Normalement, Oui, écoute, je t'écoute. je connais sept personnes dans mon entourage. J'ai pas un grand entourage. OK. J'en ai à peu près 7 ou 8 qui sont pas vaccinés. OK. Okay? Non, à toi, tout le monde est vacciné. Et là, j'ai un cousin à moi qui vient d'un village du Bas-Saint-Laurent. Dans son village, la voisine de chez eux est en paralysée après le vaccin. Trois femmes sont mortes durant leur sommeil après le vaccin. Donc, il y a des cas, là. On n'en parle pas, mais il y a des cas. On n'arrête pas d'en voir de toute façon tous les jours sur Internet, mais ça, c'est mondial. Là. Mais au Québec, il y en a, on n'en parle pas. Mais de personnes intermédiaires, j'en connais quatre. Là. C'est beaucoup. Oui, non, exactement. Fait que c'est sûr que dans le fond, en lien avec ça, c'est parce que ce que je voulais dire par rapport à AstraZeneca, parce qu'au printemps, ils ont été comme diabolisés à la différence des autres. Il y a des gens, dans le fond, je pense entre autres à un pharmacien, bon, sous le couvert de l'anonymat avec lequel j'ai parlé, qui m'expliquait, il dit, regarde, AstraZeneca, le vaccin était vendu au coût coûtant, donc il coûtait moins cher au gouvernement que les autres marques. Fait que lui, ce qu'il m'expliquait, c'est que toutes les autres marques auraient tout intérêt à mettre l'emphase que des cas, puis que c'est une menace avec des lobbyistes pour que les gouvernements arrêtent d'acheter ce sorte-là, parce que ils font moins d'argent. Si, mettons, lui, il coûte, je ne sais pas, moi, 5 euros, puis les autres, c'est tout du 20 euros. Bien, c'est sûr que les autres, ils feront pas. Si les gouvernements achètent massivement celui qui coûte moins cher, les autres, dans le fond, ils feront pas d'argent, là. Ils ont fait sortir les cas. Est-ce qu'il y en a des cas dans les autres vaccins aussi? Bon, ils ne sont Bien, pas c'est ce que sortis. j'ai l'impression, c'est que probablement qu'il y en a dans les autres, mais il y avait comme un lobby qui avait comme intérêt à mettre l'emphase pour diaboliser celui-là, puis créer un effet d'opposition que, ah, les autres sont corrects, t'sais, lui c'est le méchant, puis les autres c'est les bons. Ça. C'est un effet de polarisation, probablement, là. Mais moi, ce qui m'a marqué là-dedans, c'est que Christian Dubé, quand il commençait à avoir des cas en Europe, il dit non, non, c'est sécuritaire. Puis finalement, à un moment donné, il a fallu qu'il arrête de l'administrer. Fait que tu vois qu'il ne sait pas vraiment qu'est-ce que ça comporte. Comment dire, c'est pas vraiment. J'ai l'impression qu'il sait pas vraiment ce qui se passe. Écoute, là, c'est pas des gestionnaires d'épicerie, là. Ils doivent être au courant. On le sait, nous autres, là. On les voit, là, les cas. On en entend parler. Ils sont au courant quelque part. Ça n'a pas d'allure. Ça se peut pas. Ça se peut pas qu'ils soient pas au courant des opinions contraires des grands spécialistes, là. Il y en a des dizaines de scientifiques qui sont prononcés contre le vaccin. Ça se peut pas qu'ils ne sachent pas. Non, tu as raison, ils doivent savoir, mais ils doivent faire semblant qu'ils savent pas ou jouer une espèce de naïveté. Soit parce qu'ils ont un quota, qu'ils sont pris quelque part pour le faire, ou ils ont un agenda auquel ils sont d'accord, je ne sais pas, avec lequel ils sont Mais quand d'accord, tu as dit je ne sais pas. quota, c'est intéressant parce que j'ai eu l'image en tête qu'il y avait à passer une certaine dose d'AstraZeneca au printemps. Puis, dans le fond, je pense à un animateur radio qui avait pris son rendez-vous pour l'AstraZeneca, puis il mettait l'emphase, faites-vous vacciner, peu importe la marque. Puis finalement, après qu'il soit vacciné, quelques jours après, on n'en reçoit plus d'AstraZeneca, on prend les autres sortes. Fait que là, ça lui a comme donné l'impression qu'il s'est senti trahi un peu par le gouvernement qui disait, vous pouvez prendre n'importe quelle sorte, ils sont toutes sécuritaires. Puis finalement, une fois ils ont toutes dépensé les doses qu'ils avaient achetées, un peu comme quelqu'un qui dit, ben, je vais passer tout mon steak haché, même s'il n'est pas bon, puis il est avarié. Après ça, je vais présenter les autres à la population, tu sais, qui sont plus sécuritaires, là. Ça donnait cette impression-là. Puis lui, il s'est senti Ah ouais, c'est ça. trahi. Il fallait qu'il découle. Oui, c'est ça, il fallait qu'il Oui. écoule le surplus d'inventaire. Puis après ça, curieusement, un petit peu comme les iPhones, ah, ben là, on a la version 6, une fois qu'on a écoulé la version 5, ou tu sais. Je pense que le AstraZeneca, il y a des pays qui ne le reconnaissent pas. Donc, même si tu es piqué avec ça, là, tu Oui. n'auras pas ta passe pour aller dans ce pays-là parce qu'ils ne reconnaissent pas ce vaccin-là. Exactement comme les États-Unis. Fait que là, à ce moment-là, pour aller aux États-Unis, la personne, il faut qu'elle prenne un autre vaccin 2 doses. Fait que là, elle est déjà rendue à 4 doses. Pour avoir Ben là. pour avoir le passeport sanitaire pour voyager aux États-Unis. Fait que là, tu as 4 doses, puis après ça, on va dire aux gens, ben là, ça prend la 3e dose. Fait que là, ça devient la 5e. Fait que tu vois un petit peu l'effet pervers que ces gens-là vont être plus méga dosés rapidement que d'autres. Moi, quand je me suis blessé il y a quelques années de ça, je suis allé me faire piquer pour le tétanos. Oui. Alors, il n'y avait pas de deuxième, troisième, quatrième, puis sixième dose. C'est un vaccin qui se pique, puis voilà, c'est tout, là. Exactement, Je ne moi. regarde pas ça. C'est ça, C'est moi, ça. dans ma vie, j'ai déjà eu des vaccins avec 2 doses. Mettons, c'était l'hépatite B ou OK. des trucs dans la jeunesse. C'était souvent du 1 dose ou tu sais, la rougeole puis ces choses-là. Mais on n'a jamais parlé de doses multiples à chaque année, là. J'ai jamais vu ça, là. Non. D'autant plus que le virus est très contestable. C'est des dommages qu'il peut faire. C'est présenté comme la peste, là, mais il faudrait que ce soit bien étudié puis présenté clairement c'est quoi les réels dangers, mais c'est pas le cas. Là, on veut pas ça. Là. On veut juste vacciner, on veut contrôler la population. Une belle pagaille. C'est capoté, hein? Oui, exactement. C'est sûr qu'à un moment donné, je trouvais intéressant quand Jean-Jacques Crèvecœur expliquait qu'il disait qu'ils ont réussi à travers la menace terroriste d'utiliser ça comme prétexte pour faire un ennemi permanent qui permettrait de justifier d'espionner en tout temps là, les États-Unis, les différents pays. Tu sais, avec le Patriot Act, avec le 9-1 suite aux attentats du 11 septembre, ils ont mis en place une loi pour éviter, entre guillemets, que ça se reproduise, qu'il y ait des attentats terroristes. Qu'en tout temps, les autorités américaines, s'ils suspectent moindrement quelqu'un de pouvoir faire une action terroriste, qu'ils peuvent l'espionner, surveillance électronique, web, téléphone, etc., sans avoir l'autorisation d'un juge. Fait que grâce à ça, puis ça dure depuis les attentats du 11 septembre, ben c'est devenu la nouvelle normalité à cause de la menace terroriste que ça devient légitime d'espionner tout le monde. Et là, ce qu'expliquait Jean-Jacques Crèvecœur, c'est la même chose avec la menace du virus, parce que des virus, ils mutent tout le temps, puis il y en aura toujours. Fait que si tu dis tant qu'il y a une menace d'un virus, on peut avoir un état d'urgence puis des mesures de contrôle, bien, ça permettrait de continuer là, éternellement là, la crise sanitaire. Là. Il n'y a C'est plus de ça. fin. C'est Il n'y a comme. plus de fin. C'est ça. Oh là, 18 mois qu'on est là-dedans. Ouais. 2 semaines pour tenir la courbe. 18 mois. Exactement. Puis, Alors. tu regardes les courbes, là. La première, Oui. la deuxième, la troisième, la quatrième. On la voit quasiment pas, la quatrième. Puis là, il sort une passe sanitaire. Tu vois que ça c'est pas lié, là. C'est pas lié au virus. Non, exactement. C'est pas logique. Il y avait le docteur Béliveau, là, Robert Béliveau, là, qui, avec Réinfo COVID au Québec, je trouve qu'il fait un beau travail dans le sens qu'il met l'accent en disant, écoutez, pendant l'été, il n'y a pas eu de mort par rapport à ça. Le nombre de cas a diminué avec les données objectives et tout. Mais on intensifie les mesures puis on implante une passe sanitaire. Fait que pour moi, ça fait pas de sens. C'est comme Non. quelqu'un qui voudrait tuer une mouche avec un bazooka. Tu sais. C'est ça, exactement ça. Surtout que la passe sanitaire n'empêche pas la contamination, dans le sens que la personne peut être vaccinée 2 doses, puis elle peut propager le coronavirus ou l'attraper aussi. Fait que là, les gens qui ont une fausse sécurité en allant au restaurant, disent « Ah, je suis vacciné 2 doses, toi aussi, on est comme protégé », ben c'est une illusion. C'est le journaliste qui disait que c'était le seul but aussi, là, tout ensemble, spontané, là. D'augmenter Oui. la contamination. Bien, c'est une hypothèse que je trouve intéressante, d'autant plus que si c'est vrai que les gens qui sont double vaccinés vont l'avoir moins fort, ce qu'on peut prévoir, c'est une augmentation de cas asymptomatiques. Donc, la personne, elle l'a, mais elle ne tousse pas, elle n'a pas de symptômes, ce qui fait qu'elle devient à ce moment-là un vecteur de propagation qui va avoir beaucoup plus d'impact. Surtout qu'elle, au lieu de se mettre en isolement, si elle a des symptômes, elle continue sa vie sociale, elle n'a pas de symptômes. Fait que je suis correct. Fait que, puis insidieusement, on va plus propager le coronavirus, voire des variants. Puis là, on va peut-être assister à ce moment-là à une augmentation du nombre de cas, puis de la propagation sournoise du fait que la personne, en dépit d'elle-même, elle va le propager, puis elle ne s'en rend pas compte parce qu'elle n'a pas de symptômes. Ouais. Fait que, Ça qui va arriver, là. moi, j'ai l'impression qu'il y a des bonnes chances que ça arrive. Fait que c'est sûr que l'essentiel de mon questionnement en lien avec la crise, c'était de voir comment composer intelligemment avec un contexte où ce qu'on voit depuis un peu plus de 18 mois, qu'on nous retire progressivement nos droits et libertés sans sombrer là, dans un état de dépression ou de peur ou d'anxiété, là, tu sais. Pour avoir le pour être centré, pour avoir les reins solides et se détacher un peu de tout ça aussi. J'essaie de m'informer sans me déformer. Je prends l'information, mais Oui. y aller à petite dose, savoir ce qui se passe, mais pas en manger comme avant, de manière à pouvoir relaxer à l'intérieur puis être bien avec moi-même. Non, ta vie est fou. Pense. C'est comme s'il y avait, comme si t'es dans une pièce, là. Il y a 25 personnes qui parlent en même temps, là. C'est trop, là. Ben c'est Je peux l'arrêter. agressant. Moi, je trouve que depuis plusieurs mois, on est soumis à une espèce d'agression médiatique, un peu comme une espèce d'attaque très forte de l'astral qui cherche par tous les moyens à nous faire peur. Sur les téléphones intelligents, l'alerte Amber, là, l'année passée, dans le temps des fêtes, ah, menace COVID. Ensuite, les couleurs rouges, là, en disant le nombre de cas augmente, ci, puis ça. Puis tout est mis en scène, puis. Moi, ce que je vois à travers les différents médias, que ce soit la télévision, le téléphone intelligent, l'ordinateur, c'est qu'il y a comme plusieurs entrées astrales pour tout le temps nous garder 24 heures sur 24 avec l'obsession du COVID, là. Ouais, l'obsession du COVID ou l'obsession contre le gouvernement. Aussi. Moi, je le dis pas, j'ai pas peur du COVID. Je la dis pas, cette peur-là. Par contre, la peur de ce que le gouvernement veut faire, c'est au quotidien, là, pour que je vive avec tout ça. Oui, moi aussi, je suis un petit peu au même point que toi, dans le sens que le coronavirus, bon, c'est sûr que dans ma situation, j'ai 40 ans, j'ai pas de comorbidité. Fait que si je regarde juste les chiffres au niveau intellectuel, c'est peu probable que si je l'attrape, je vais en mourir, là. Fait que moi, je suis dans ce stade-là. C'est sûr, dans un sens, je suis privilégié, mais le gouvernement, c'est sûr que ça m'achale parce que je regarde les mois qui passent, puis je dis, coudonc, Alexis Cossette qui parlait du passeport sanitaire qui, il y a à peine quelques mois, passait pour un fou. Mais tranquillement, ça se concrétise. Puis là, après ça, les prochaines étapes, que ce soit lui ou Jean-Norse Colline, bien, il nous présente les camps de détention ou de quarantaine COVID qui sont en train de construire en Australie ou en Chine. Fait que là, je me dis, est-ce qu'à un moment donné, au Canada, il va y avoir des camps de détention qui vont être mis en place pour, entre guillemets, les gens infectés de la COVID ou les dissidents politiques? Exact. Exact. Ça ressemble à ça, hein? Exactement, Ça là. ressemble à ça. Je ne sais pas s'ils vont se rendre jusque-là. Ils vont être capables de se rendre jusque-là. Mais j'ai l'impression qu'ils ont l'intention de le faire. Ils donnent cette impression-là. Moi aussi, Alors, c'est anxiogène, ça, ouais. sans faire sécurité, hein? Ouais. Vous dire que ça, c'est juste un corps, puis moi, je vais continuer ma vie. Ma conscience, c'est un autre plan après, là. Je ne tiens pas à aller les tuer. Non, c'est sûr, moi non plus. C'est sûr qu'en tant qu'ego, je suis un petit peu nostalgique du temps avant COVID, là, tu sais, où ce qu'on avait une liberté relative plus grande. Ouais. Non, mais la part, c'est moi, personnellement, je m'en fous. Hein. Je suis allé au restaurant 2 fois cet été. Je suis pas allé au cinéma depuis un an, puis je m'en ça m'empêche rien. Ah, ben Ce que j'aime pas, c'est le principe. moi, Ouais. regarde, si on me dit, regarde, que je vais être juste privé de restaurants et ces activités-là pour le reste de ma vie, j'ai aucun problème. C'est plus, je t'explique qu'au niveau, avec le gradualisme que l'État fait depuis plusieurs mois, c'est qu'ils vont tout le temps étape par étape pour nous enlever des libertés. Tu sais, c'est comme l'histoire du confinement. Ah, c'est juste 2 semaines. Finalement, 2 semaines devient 2 mois. Même chose pour l'état d'urgence. C'était juste 2 semaines au départ. Puis finalement, on se dirige vers 2 ans. Fait que moi, ce qui m'achale là-dedans, c'est que j'ai l'impression que présentement, on dit, ah, le passeport sanitaire, c'est juste pour les lieux non essentiels, mais que si, entre guillemets, le nombre de cas augmente dans les prochains mois, mettons, on se ramasse au mois de janvier, février, comme il y a plus de 10 ans avec les hôpitaux qui débordent, qu'on nous dit dans les médias. Que là, ils vont aller avec des services essentiels, un peu comme la France, avec l'accès à l'hôpital, puis ça va être vraiment comme tout, là. C'est ça Ouais, qui à tous être vaccinés. C'est Comment? ça qui était important. Excuse-moi, peux-tu répéter? Je n'ai pas compris. Parce que leur but, c'est d'avoir tout le monde vacciné. Oui. C'est ça qui est effrayant, effectivement. Ouais. Mais faut faire une journée à la fois, puis rester centré. Puis, comment le disait Bertolt, la vibration est effective. Oui, c'est que dans son cas, dans une de ses vidéos récentes, il était question que la qualité de sa vision s'est améliorée au fil des ans, parce qu'habituellement, quand les gens vieillissent, ben, la vision se dégrade. Puis, il était comme travaillé avec la vibration à ce niveau-là. C'est sûr qu'à quelque part, les gens, pendant la crise, peuvent être travaillés vibratoirement pour surmonter certaines peurs, puis à se dépasser, tu sais, puis expérimenter des choses qu'ils n'auraient pas expérimentées autrement, là. Mais je me passais la réflexion hier, là, Oui. puis je me disais, je ne me reconnais pas moi-même, OK. tellement qu'il y a quelque chose qui change rapidement à cause de la situation. Donc, c'est bon. Oui, ben, tu sais, c'est parce que quand les gens se reconnaissent plus, faut regarder comment, parce que tu as des gens qui sont présentement dans l'hystérie collective, puis ils ont peur de sortir chez eux, qui sont traumatisés. Mais ça peut être aussi un rehaussement vibratoire, là. J'imagine que c'était dans le sens d'un rehaussement vibratoire que tu l'entendais. Oui, absolument, absolument. Oui. C'est bien correct. Et, au niveau de la volonté, au niveau de la vibration, au niveau de la capacité de lui détacher de la fausse personnalité astrale, mémorielle, ça change très, très rapidement. C'est très intéressant. On n'a pas le choix, on n'a pas le choix de changer. C'est ça où je souffre. Ben, je change. Exactement. Puis moi, ce que je vois, c'est les événements nous amènent dans une zone de dépouillement. Je m'explique, Oui. c'est que on te dépouille. Tu sais, autrefois, on pouvait dire, ben là, tu peux aller au restaurant. Fait que là, si t'es pas injecté, tu peux pas y aller. Ensuite, tu peux pas aller au cinéma, tu peux pas voir des amis. Fait que là, en t'enlevant beaucoup de choses comme ça, moi, ce que j'ai vécu depuis plusieurs mois, c'est un détachement très grand de la forme. Fait que je suis plus détaché qu'avant, puis avoir été dans des situations de confinement où, je vis seul en logement, à un moment donné, j'ai passé, bon, en tout cas, au début du confinement, j'étais plus solitaire, là, je voyais pas ma compagne du tout, fait que ça m'a amené dans un état de, un peu comme un ermite, là, qui est dépouillé pas mal de toutes les choses, là, qui est détaché, là. Oui, je suis d'accord, c'est un peu la même chose que toi. Moi, je suis pas seul, OK. mais effectivement, avant de parler avec toi, j'ai tiré une carte au tarot. OK. Ah, la carte de l'ermite, c'est intéressant. Vais juste voir, je sais, ça me donne la carte de l'ermite. Oui, mais moi, je vis très sévèrement avec mon conjoint. On n'a pas beaucoup de monde. Le confinement a amplifié ça, évidemment. Mais j'ai des contacts occasionnels avec des personnes qui ont un taux vibratoire plus élevé. Donc, ça m'aide beaucoup. Et je suis content de discuter avec toi parce que c'est enrichissant, très, très enrichissant de parler avec toi. Oui, bien, c'est un J'ai une plaisir montagne de partagé. Oui, c'est un plaisir partagé de mon côté. On sent que la vibration passe, puis c'est facile. Ça fait un peu plus de 2 heures qu'on parle, puis je sens pas de lourdeur, tu sais, c'est bon signe. C'est ça. C'est ça. Fait Donc, que. Comment? on remettra ça sur le bout. Oui, Il y aura exactement. On pourra faire éventuellement un autre enregistrement. Fait que pour conclure, pour l'enregistrement d'aujourd'hui, par rapport au mot de la fin, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? je dirais, prenez soin de vous, là, dans le sens, prenez un recul par rapport à tout ce qui se passe. Important. Moi, c'est ce que je fais, c'est faire un recul pour rester centré pour moi et sentir ce qui est vrai. Séparer ce qui est vrai de ce qui est faux et rester dans ma vie. Très intéressant. Pendant que tu me parles, ça me parle intérieurement que moi, ce que ça me dit, c'est va à l'essentiel. Ton essentiel à la base, c'est ta santé. Ça me dit intérieurement, préserve ta santé en priorité. Le reste, le cinéma, le voyage, tu peux continuer à vivre, là, même si tu voyages pas, tu vas pas au cinéma ou au restaurant. Fait que moi, ce que ça me dit, c'est d'aller à l'essentiel, puis ne troque jamais l'essentiel contre des biens ou des éléments qui vont aller à l'encontre de ton intégrité physique et vibratoire. Fait que ça, Bien ouais, ben, en tout cas, ça m'a passé dans le canal là, pendant que je parle avec toi, parce que ça me met en vibration. Tu sais, de travailler en interface vibratoire, ça me fait dire des choses. Fait que c'est intéressant, ça me stimule. Fait que, écoute, Christian, j'ai beaucoup apprécié notre entretien d'aujourd'hui ensemble. Je trouve que ça commence bien là, pour une première discussion ensemble. Et je répète aux gens qui nous écoutent, tes coordonnées par courriel, c'est-à-dire l'adresse étant Crésus. acommercialyahoo.com. Donc, les gens qui nous écoutent, vous allez avoir naturellement là, les coordonnées de l'invité d'aujourd'hui en bas de l'enregistrement. Et puis, oui, je t'écoute. Crisis9 à commercial yahoo.com. OK, Crésus, il y avait quelque... Neuf. Love? Comment? Excuse-moi. C'est Crisis9. 9, OK. Ouais. En commercial yahoo.com. OK, il y a le chiffre 9. Fait que c'est beau. Excuse-moi, tantôt, Neuf. je l'avais pas entendu. Fait que c'est parfait. Fait que moi, je vais mettre ça en bas. Fait que merci pour la correction, parce qu'après tout, un détail, c'est quand même important si les gens veulent entrer en contact avec toi. Fait que écoute, je te remercie amplement là, pour tout le temps que tu as consacré à cet entretien. Puis je te dis à bientôt. Ben, c'est moi qui te remercie, David, de m'avoir contacté. Et à la prochaine. Parfait. Merci. Fait que c'est beau. Fait que j'arrête ici l'enregistrement. Fait que écoute, quand je disais ça il y a quelques secondes, c'était sincère, là. J'ai bien aimé notre enregistrement. Puis si ça t'intéresse, là, peut-être mettons dans une couple de semaines, on pourrait en refaire un autre là, pour parler de conscience, là. Parfait. Les événements vont avoir changé d'ici ce temps-là. Puis... On s'ajustera, on Oui, exactement. Je suis sûr en qu'on reparlera. va avoir d'autres Ça choses très intéressantes à commenter parce que le scénario va continuer à débouler, là. Oui, nous, on va continuer de changer. Oui, exactement. Fait qu'on va pouvoir véhiculer à ce moment-là une vibration différente. Cool. Très content. Excellent. Fait que dans le fond, moi, ce que je vais faire, bien, comme mentionné tantôt, là, dans la version longue qui va durer 2 heures et quelques, là, surtout la deuxième partie qu'on parle de COVID, je vais mettre ça là, sur Odyssey. Puis Oui. je vais prendre les premières minutes, tu parles de ton cheminement personnel où on ne parle pas de COVID. Ça dure à peu près 40 minutes que là, je vais mettre sur YouTube, là. Cool. Excellent. Excellent. Fait qu'une fois que les liens seront mis sur le web, dans le fond, je vais te partager ça là, aussitôt là, par Facebook. Ah, OK. Excellent. Fait que si tu as envie de le Cool. partager à tes amis ou contacts, ben, tu pourras le faire par la suite là, si tu le désires. Parfait. Lâche pas, David, c'est un travail fort, extraordinaire. Ben, écoute, merci de ton soutien, de ton appréciation. Puis, on garde contact. Cool. Bon, Bonne ben, soirée. excellent, bonne fin de soirée. Bye bye. Bye.